Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis sûr que vous êtes en forme. Bon, vous avez bien sûr reconnu maintenant le générique qui est habituel, c'est-à-dire le générique de Champs-Élysées, comme clin d'œil à l'une des plus grandes pitreries de l'histoire de l'audiovisuel français. Bon, ça n'implique que moi, mais comme je parle, j'en profite pour le dire. Donc, vous êtes bien sûr Radio One Shot. Radio One Shot pour la troisième émission d'une série de trois. Alors, d'une série de trois avant ce que certains appellent les vacances. Nous mettrons donc ces vacances à contribution pour persister et insister dans la direction que nous avons prise, et ceci malgré les difficultés inhérentes à une telle aventure, mais surtout ceci grâce à l'enthousiasme de notre public. Alors ce soir, bien entendu, il y aura le blind test, il y aura un autre jeu. Maintenant, je ne vais pas vous annoncer des surprises, puisque de toute façon, comme vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, ça constituera automatiquement des surprises. Alors je vois que là, l'équipe est réunie. Je reconnais l'avatar de Shadow, celui de Daniel Dupont et de son fils adoptif, Monsieur Roboto. Je vois aussi que Kiev est là. Et je vois bien sûr dans le fond le cheval expiègle, toujours dans l'ombre au fond de l'écurie, prêt à une sale ruade. Alors, je vais passer la parole à qui veut bien la prendre après moi, afin de commencer cette troisième édition. Qui veut bien l'apprendre? Aïe, aïe, Tu as parlé, aïe. Kiev, Aïe, c'est à aïe, toi. aïe. L'anarchiste a parlé. Qui veut bien l'apprendre? Bonsoir à tous. Voilà, émission numéro 3. Spécial vacances. Salut Colo, salut Shadow. Et salut Daniel. Voilà, bonsoir à tous. Donc on commence un petit peu plus tard qu'à notre habitude. On a fait quelques petits réglages. Et voilà, c'est la dernière émission, on va dire, on dit ça comment, Colo, de la saison? Est-ce qu'on peut parler de saison? Ah, la formidable saison. La quatrième sur les Elle lives. était belle, hein? Enfin, sur les hangouts. Ouais. La troisième, plutôt. Il me Ouais, semble. ouais, ouais, C'est la troisième ou la ouais. quatrième? Je sais plus d'ailleurs. Je Bah, commence à me ça dépend perdre si les on se pédales, je commence à vieillir. prend. Ça dépend si on se prend en année fiscale ou en année normale. En année normale, je crois que c'est la troisième. Troisième En saison. année Magnifique. lunaire? Ah, putain, très stratosphérique, mais c'était Quatre et demi. épouvantable. C'était épouvantable. Ouais. Et voilà, et du coup, c'est. Moi, je suis content, je suis ravi de participer à ce projet et qui nous offre effectivement beaucoup beaucoup plus de liberté et puis surtout voilà c'est beaucoup plus enrichissant et puis ben, on est content aussi que les gens répondent présents quoi donc voilà bah non mais je vous laisse parler les enfants je sais pas on est tous ensemble Mais alors on va écoute, parler c'est puisque pas le grave cheval se dévoilons le plaint parcours. que c'est tout, il va prendre la parole. Ouais, moi je prends la parole. Alors, qu'est-ce que vous voulez entendre déjà? Des choses gentilles, des choses pas gentilles? Méchante. Comment ça? Des choses méchantes? Des choses horribles. Alors, attendez. Là, on est parti donc pour, comme l'a dit Jean-Mi, il m'a fait rire, pour quelques heures là. On va essayer en tout cas de tenir 2, 3 heures. On n'a pas préparé grand-chose et en même temps on a préparé des trucs. Alors on est encore. On est tous un peu. On ne sait pas trop où on va au final, quoi. Mais on continue. Au final, c'est le troisième doc sonore qu'on fait. On pourrait plus appeler ça même des docs sonores qu'une radio. Encore. Mais on essaye, quoi. Nous, je pense qu'on n'a pas assez de recul. C'est encore trop tôt, mais c'est vrai qu'on réussit à faire fonctionner le truc pour l'instant encore. Alors, ce soir, c'est les vacances, je crois, pour certains. Donc, c'est pour ça que pour nous aussi, on a fait ça un petit peu à la rigolade. Mais il y a quand même quelques parties dans cette émission qui ont été fabriquées, qui vont peut-être pas vous faire du bien, ou peut-être qui vont vous faire du bien, ou lever une certaine curiosité. Kiev, normalement, devait nous parler des réseaux sociaux. Alors, c'est quoi exactement? Enfin, pas exactement, mais en quelques secondes. Qu'est-ce que tu as contre les réseaux Oui, sociaux? Vu que nous faisons ce partie que des j'ai réseaux voulu faire. sociaux, ce soir, c'en est un, par exemple. Alors, si tu veux, on pourra en discuter après. Ce que j'ai voulu faire surtout, c'est, si tu veux, faire la transition, expliquer pourquoi une radio et pourquoi c'est différent de ce qu'on a fait là pendant 3 ans sur, en l'occurrence, YouTube, j'en parle parce que c'est celui que je connais le mieux, entre guillemets. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, effectivement, suite aux 2 émissions, enfin, qui se sont passé le mot par rapport à la radio, qui ne comprenaient pas le sens, pourquoi se passer de YouTube, etc. Ben moi, voilà, j'ai décidé d'expliquer, en tout cas, mon point de vue perso. Donc là, c'est vraiment le document sonore de Kiev, donc le son de Kiev, et j'explique mon point de vue. Voilà. Donc j'ai pris cet espace justement pour expliquer ça aux gens. Et je vous laisse la Alors, surprise. Voilà, c'est bon. bien sûr, mais au-delà de ça, c'est quand même pas non plus parce que l'idée de cracher sur YouTube, Non, c'est pas c'est de la ça. merde, ce qui veut dire qu'au final, les gens qui sont sur YouTube, c'est aussi de la merde et tout. Nous, je pense qu'on n'a jamais dit ça. Absolument On pas, ne parle pas de c'est YouTube. voilà. D'ailleurs, si vous écoutez, La radio. bien. Ouais. Salut à La tous, au radio fait. reste une option. Salut, Daniel. Ah, Salut, effectivement, c'est vrai que c'est un espace de liberté supplémentaire dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui avec YouTube, c'est de plus en plus difficile de passer des morceaux. Y a plein de strikes, tout ça, et c'est surtout ça qu'on essaye de, si tu veux, de contrecarrer plus ou moins. Et il y a aussi un risque de centralisation de l'information, du contenu, tout ça. Donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui partent dans l'autre sens finalement, à contre-courant. Et moi j'avais entendu cette phrase que je trouvais intéressante, où on disait, enfin, qui disait plus ou moins ce que, si vous, il y a que les poissons qui sont morts, qui nagent avec le courant. Et je trouvais ça assez intéressant, quoi. Oui, voilà, faut pas prendre YouTube ou les réseaux d'une manière générale, que ce soit les Twitter, les Facebook, comme un truc définitif, genre ad vitam aeternam, pour les 1000 ans à venir, on n'utilisera que ces choses-là. Non, je l'explique dans ma capsule, justement, c'est juste un passage, en fait. Donc, en fait, cette radio, si vous voulez, c'est quelque part, c'est un peu, je le vois plus comme une transition. Voilà, j'explique aussi que je continuerai d'utiliser YouTube, mais pour autre chose, quoi. C'est-à-dire, c'est pas fait pour faire de la radio au sens où moi je l'entends et au sens où je pense dans l'équipe on l'entend, parce que voilà, alors ça reste un outil intéressant pour d'autres choses, mais pas pour ce que nous on veut faire. Et voilà, moi j'aime bien cette phase, justement cette phase de transition là qu'on est en train d'opérer. Voilà, en termes de possibilités, ça ouvre un horizon beaucoup plus large. Et tu as donc Pour moi, il n'y a pas fait photo. une capsule où tu synthétises tout ça? Bah, je synthétise en fait, je fais un peu un résumé des 2 3 ans sur YouTube, comme ça, à discuter de live en live, ce que j'en ai tiré et pourquoi je pense qu'il y a que via une radio notamment, mais enfin. Voilà, qu'il faut faire autre chose et qu'il faut pousser vers l'ouest, comme diraient les Américains, tu vois. Ça, faut pas, comme ça, la métaphore est intéressante, Daniel, c'est ça. Il faut pas rester Les figé Russes vont et dire qu'il faut subir. tirer à l'est. Hein. Mais bon, je dis ça comme ça. Oui, voilà, les Russes. Il faut tirer à l'est. Ah, c'est pour équilibrer quand même. Non, ça, c'est les touristes sexuels qui disent ça. Il faut tirer à l'est, pardon. Non, voilà, le truc, c'est ça. C'est pourquoi avoir peur à ce point-là, comme ça, de sortir de votre bulle, de vos habitudes et tout. Et voilà, j'explique ça. Et puis, bon, après, j'ouvre sur une autre question que je creuserai peut-être plus tard pour une émission un peu plus, en tout cas pour un son un peu plus long et un peu plus précis, sur les compagnies d'assurance notamment, etc. Mais voilà. Là, en tout cas, dans l'immédiat, moi, j'estime que ce qu'on a fait là, à la radio, on n'aurait pas pu le faire en utilisant exclusivement YouTube. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Et voilà. Ok, donc on va, c'est là qu'on pourrait écouter ta capsule, quoi. Je pense que d'abord il y a de la musique, à moins que Shadow veuille ajouter quelque chose, puisque je Ouais, Shadow, il l'entends. a pas dit Oui, grand-chose. bonsoir à tous. Je voulais juste passer un bonjour à maman et à papa. Bonjour. J'espère qu'ils écoutent pas, d'ailleurs. Voilà. Monsieur Shadow. Bonjour, madame. Et mes hommages.

Une deuxième chose, en fait, c'est l'effet relais du média mainstream. Ce sont des sujets, en fait, qui sont sortis de l'immédiateté. Souvent, c'est ce qu'on appelle des tendances. La canicule, les manifs, les attentats, les affaires, les faits divers, etc. En journalisme, en fait, on appelle ça des marronniers. Donc finalement, on retrouve exactement la même chose qu'on avait à la télé. Simplement, notre temps de cerveau est mis à disposition de ces réseaux, là où à l'époque, ils étaient mis à disposition de TF1. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Concernant des sujets plus pointus, qu'on retrouve aussi sur ces réseaux, la philo, la science dure, l'informatique, etc., en réalité, très peu de gens sont qualifiés pour pouvoir en parler sur des lives interminables de 6h, 8h. Sataniste. Et souvent même, c'est un coup de bol. Par le hasard des choses, au détour d'une heure d'émission, on se retrouve avec un petit peu de qualité. Mais la plupart du temps, les gens qui interviennent sont un peu à la traîne sur ces réseaux sociaux. Les quelques personnes qui peuvent éventuellement avoir du talent, soit parce qu'ils sont universitaires, soit parce qu'ils ont, ils travaillent eux-mêmes dans les domaines, ils ont eux-mêmes leur réseau, ils rentrent pas sur ces rooms-là. Donc au final, on stagne dans un bain d'ineptie. Alors ça n'exclut pas évidemment qu'un individu venu de ces réseaux soit capable de produire du concept, mais c'est très rare. En général, ce que j'ai pu observer sur ces réseaux, c'est de la communautarisation. À tous les niveaux. Qu'elle soit religieuse, philosophique, politique et même socio-économique. Au niveau de la manière de parler. Les gens qui auront les mêmes centres d'intérêt se coalisent naturellement. En bref, il n'y aura jamais de vrai débat. Juste des effets de manche. Alors il y a un deuxième effet aussi au niveau de ces réseaux qui m'a lassé, c'est l'effet supporter, l'effet troll en fait, inévitable, promulgation du cyberharcèlement, et ça c'est lié à cette application aussi, Hangout on l'a utilisé, mais il y en a d'autres. Elle est faite en réalité pour des règlements de compte virtuels, c'est un putain, comme dirait l'autre, de déversoir à névrose. Concrètement, c'est aussi un nid à fake news. Aucun contrôle sur les individus qui peuvent éventuellement intervenir sur votre chaîne, sur la chaîne des autres. Et moi, je pense qu'un réseau comme YouTube, notamment, laisse tacitement circuler sur ses serveurs des profils dérangés et porte évidemment, par son algorithme, une grande part de responsabilité. Ensuite, nivellement par le bas, à cause de stimuli qui forcent, y compris les gens les plus sages, à basculer dans l'émotivité et l'agressivité. Ce sont pas forcément les individus qui composent ce réseau qui en sont responsables, mais la structure même de ce réseau qui est faite ainsi. YouTube ne rapproche pas les gens, il les trie. Comme s'il s'agissait d'une entité à part entière, YouTube les classe, les segmente en parts de marché à conquérir par les annonceurs. Les cassos avec les cassos, les intellos avec les intellos, les droitards, les gauchistes, les... mafieux, littéraires, les fous, les activistes, nationalistes, religieux, politiques, etc. Alors pour finir, on va parler des droits d'auteur. Alors qu'on trouve des comptes non officiels qui, eux, diffusent des morceaux, qui tombent sous le coup de droits d'auteur, le moindre son diffusé sur une autre chaîne fait irrémédiablement l'objet d'un strike. Le son est de la merde. Et c'est certainement pas une avancée révolutionnaire. L'avancée révolutionnaire... c'est l'informatique et l'internet. Ces réseaux-là ne sont que de passage. Je voulais juste rajouter un dernier point, en fait. C'est la configuration aléatoire des débats, des lives trop longs et chiants la plupart du temps. Le manque de rigueur et de discipline des intervenants. Non, en fait, tout le monde ne peut pas donner son avis sur tout. Alors maintenant, pour moi, les créations sonores, les débats, ça se fera en dehors de YouTube. YouTube, pour moi, c'est devenu le travestissement intégral et la vacuité. Les savants de YouTube, enfin, les sachants, je sais pas comment on dit, les sachistes. sorte de pseudo-professeurs de mon cul qui prennent de grands airs, inondent l'espace de grands concepts qu'ils redéfinissent parfois en live. Alors moi je me mets pas en dehors de ça, puisque de toute façon ça fait partie du décor, j'ai envie de dire. Ce sera fait maintenant uniquement pour la vidéo. Mais j'ai plus l'intention d'y laisser autant de temps de cerveau que ça. Je terminerai avec d'autres attitudes, l'incohérence des comportements, liée sûrement à l'interactivité, le fait que tout se vale, ce que j'appelle en fait du nihilisme digital. Il y a une dernière chose aussi que je voulais dire. Ça concerne l'ouverture d'un nouveau marché du droit sur Internet. On voit déjà apparaître les premières compagnies d'assurance qui font de l'argent en fait sur la lutte contre le harcèlement sur Internet. À terme, en fait, on aura tous une police d'assurance pour pouvoir intervenir sur ces réseaux. On sera tous couverts par une police d'assurance. Donc ça, c'était pour la partie fric. Mais à la limite, ça, c'est celle qui me dérange le moins en tant que libéral. Alors, ce que je viens de dire, évidemment, c'est parfaitement anodin. Peut-être ça peut troubler certaines personnes, comme disait l'autre. Semer le trouble, c'est parfois récolter la lumière. Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole nous reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai, un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. m'accostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Évidemment qu'on n'est pas là pour se faire engueuler. Excellent choix de musical pour expliquer un peu la capsule. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que je vais quitter ce réseau social, puisque il fait partie des outils qui sont à notre disposition actuellement. C'est juste que c'est pas fait pour les débats. Alors, on en a beaucoup parlé. Jean-Michel, je pense que tu seras d'accord avec moi, Colo. C'est pas fait pour ça, quoi. C'est ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on a la radio maintenant, quoi. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi je me détachais un peu à ce niveau-là. On essaye. On essaye de fabriquer un truc. C'est pas encore gagné. Disons que l'intérêt pour moi d'un débat, c'est au moins que dans le débat, il y a au moins, je sais pas, la moitié des gens qui connaissent à minima le sujet. Ce que j'ai dit dans la capsule, c'est ça. Tout le monde ne peut pas parler de tout. Ou alors on peut éventuellement, j'ai des idées là-dessus aussi, créer une sorte d'émission qui s'appellerait directement le café du commerce. Dans ces cas-là, ouais, on peut travailler ça aussi. On peut faire monter évidemment les auditeurs, ça fait partie des choses qu'on va faire. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, j'utiliserai plus YouTube de la manière dont je l'ai utilisé ces trois dernières années. Et j'inclus dans le même sac évidemment tout ce qui est Facebook et ses dérivés, quoi. Donc voilà. Tu parlais de débat, en fait, et c'est vrai que c'est un peu la culture actuelle, surtout en France d'ailleurs, même à la télévision ou même à la radio quand tu écoutes RMC ou quoi, c'est souvent des débats passionnés, tout le monde se coupe la parole. Et finalement, quand tu regardes d'autres cultures, on parlait tout à l'heure des États-Unis ou quoi, tu peux avoir une culture de l'échange finalement. Avec des idées différentes ou quoi, mais tu vas pouvoir échanger, tu vas pas essayer d'utiliser du sophisme, des stratagèmes, tout ça pour pouvoir discuter, et c'est beaucoup plus plaisant finalement, je trouve. Bien sûr. Oui, ouais, bien sûr. Si je peux ajouter un truc, c'est que tu parles des États-Unis, bon, c'est vrai, aux États-Unis, dès l'université, tu as ce qu'on appelle la culture du débat, avec les combats de débatteurs. Donc c'est une façon de faire où tu apprends dès le plus jeune âge à débattre. Et d'ailleurs, tu vois souvent que quand on interviewe des Américaines dans la rue, même le plus débile, il arrive quand même à être éloquent. Mais ça, c'est une culture, c'est appris. Nous, on a plutôt la culture de la dispute. Mais il y a des débats très intéressants en France aussi. Mais je rebondis sur ce qu'il disait Kiev tout à l'heure, il a parlé de TF1. Le problème, c'est que pendant des années, voire des décennies, plutôt des années, je vais dire, pendant des décennies, les gens ont été formatés à avoir un comportement codifié, des réactions codifiées en regardant le média de masse. Et d'un coup, la parole s'est démocratisée avec Internet. Sauf que quand la parole s'est démocratisée, l'enseignement du savoir débattre n'a pas été vendu avec le truc, tu vois. Et donc tu te retrouves avec des disputes comme tu aurais eu, dans la rue, à la machine à café. Quoi. Voilà, absolument. Et puis pour finir sur ce que tu disais à la fin, par rapport à la connaissance du sujet, alors tout dépend le but. Si tu es là pour, si les gens sont là pour parler, c'est-à-dire passer du temps en disant tout et n'importe quoi, bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si tu veux apprendre des choses, c'est quand même, je veux dire, la première règle que de savoir de quoi tu parles ou écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle sur tel ou tel sujet. Mais parler de tout le temps avec tout le monde, bon, c'est bien pour passer le temps, mais finalement, tu te retrouves dans une espèce de claustrophobie où, de toute façon, à la fin, tout le monde est du même avis et qu'il était en arrivant au début, tu vois. Et ça a fait que gueuler. Et tu resteras dans ta communauté de culture ou de... Bien sûr. Ou qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, ou alors tu iras dans... Il y a certaines communautés, entre guillemets, qui cultivent aussi le clash. Où tu sais que tu viens pour ça, quoi, pour t'engueuler. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Alors, en fait, comme si t'achetais, comme si t'achetais plutôt un coca ou qu'une bouteille de flotte. Une espèce de défouloir, ou une puis ça devient une défouloir. J'avais dit une chose, juste après je vous rends la parole, c'est que j'avais dit une fois dans un de ces lives, justement, qui durait 6 heures, qu'en fait, il n'y avait aucune différence entre TF1 et YouTube. Et il y en avait plein qui m'avaient dit, mais non, quand même, je suis libre. Tu sais, je suis libre de faire ce que je veux, je peux écrire, mais non, en fait, au final, l'algorithme, il t'a ramené là, dans sur cette chaîne-là, quoi. Mais au final, en termes d'utilisation, t'es pas plus acteur sur ce truc-là que tu ne l'es en gueulant devant ta télé sur TF1, sauf que t'as l'impression qu'on t'écoute. Oui. Ce qui est pas le cas. Enfin, ce qui est le cas, mais... voilà, c'est... Et donc, on t'entend, mais on ne t'écoute pas. Ouais, c'est ça. T'es entendu, mais les idées que tu passes, elles s'inscriront pas dans la durée, quoi. Ne serait-ce que ce qu'on a réussi à faire, là, sur 3 émissions avec Radio One Shot, on le sait que ça reste gravé dans les têtes, quoi. Beaucoup plus qu'un live, que si on avait fait un énième live de 8 heures, comme on en voit tous les soirs sur je ne sais combien de chaînes, quoi. On a tous participé plus ou moins. Mm-hmm. Ce qui est étrange, déjà, ce qui est particulier, c'est que c'est le mot débat qui ressort. Comme un combat de coq qui doit être organisé, c'est même pas le terme discussion, qui est déjà plus un échange, même si les avis sont parfois pas les mêmes, c'est pas grave. Mais il y a besoin de débat, donc combat. Et combien de fois, moi j'ai entendu, peut-être même moi j'ai participé, à des débats où personne s'entendait vraiment, disait ce qu'il avait à dire, sans s'écouter, sans être même d'accord avec les termes du débat au niveau de la définition. Ça tourne en rond, moi j'ai rarement appris quelque chose, j'ai vu assez vite que c'était un exutoire. Alors c'est bien d'avoir un exutoire, de se défouler, de s'exprimer, mais si on reste à faire ça, on rentre dans une folie complètement pathologique, quoi. Et c'est vrai que pouvoir exprimer certaines choses, avoir le temps de le faire sans être coupé, pouvoir dérouler un raisonnement. On peut le faire, par exemple, sur YouTube à travers des vidéos. Moi, à un moment, j'ai décidé, par exemple, depuis un petit moment déjà, de plus trop participer au débat sur YouTube et de faire des vidéos, de retourner au format vidéo parce que j'avais la possibilité de m'exprimer un peu plus longtemps. Exactement. Et en plus... Et souvent, on m'a reproché de faire ça et d'être trop lâche pour faire des débats. Ce que je trouve complètement ridicule, je trouve au contraire que c'est beaucoup plus difficile de condenser une pensée et de la mener jusqu'au bout pendant une vidéo ou pendant une séquence comme on fait à la radio. D'autant plus que tu t'exposes à une réponse qui elle-même sera structurée et préparée à l'avance sur une autre vidéo. Je vais donner un exemple, tu as fait un son sur Wikipédia. Mm-hmm. Et j'ai déjà commencé à rédiger une petite réponse qu'on diffusera sur la radio. Ben, très bien. Par exemple. Et tu vois, on n'a pas passé 3 heures sur un live à dire oui, Wikipédia c'est bien, non, Wikipédia c'est mal, nana, et sans s'écouter au final. Là, voilà, il y aura, t'as fait ton son qui a fait quelques minutes. Moi, je ferai une réponse d'à peu près et puis ça permet de pas cristalliser une violence et de se détendre et de discuter, quoi. On n'est pas là pour s'engueuler, comme dit la chanson. Exactement. Alors justement, Boris Vian, Colo, je crois que tu voulais nous dire quelque chose sur Boris Vian. Tout à l'heure, tu nous disais... Non, pas spécialement. C'est qu'on était en train d'en parler comme ça entre nous, là, en off. Et je disais que la maison de Boris Vian est une maison aujourd'hui classée. Elle est à Pigalle, en face... sur une terrasse, en fait. Et en face du Moulin Rouge. Et qu'il y a une personne qui habite dedans, encore avec les meubles et la bibliothèque qu'a fabriqué... Boris, et voilà, c'est assez impressionnant, quoi. Le temps s'est arrêté dans cette maison où les plus grands sont passés à l'époque. Il y, y a des photos qui existent, hein, cet appartement hier et aujourd'hui, et rien n'a changé. C'est quand même rare, quoi. C'est incroyable. Vivre dans un musée. Moi, je connais très bien le petit-fils de Boris Vian. C'était un, il est toujours un DJ dans une boîte de nuit très bof à Avignon. Voilà. Voilà. C'est pas héréditaire le talent. Ouais. Avignon, la ville de tous les possibles. La ville des DJ. Ça saute des générations. Les DJ. Tu vas alors, du coup, Shadow là-bas. Pardon ? Est-ce que tu vas dans cette boîte ou pas ? Tu vas dans cette boîte ? Écoute, dans ma jeunesse. Tu dois y aller. J'y étais allé. Ouais. Oui, j'étais allé. Ouais. Et c'est là que tu as rencontré. Ah, ben oui. La famille de Boris. Ah, ben il avait un nom. Je ne sais plus comment il s'appelait. Mais je crois. Mais de toute façon, c'est son nom public. Il s'appelle Cédric Vian. Cédric Vian. Ouais. Et on me dit, ah, mais tu sais que c'est le petit-fils de Boris. Et moi, j'aimais beaucoup de Boris Vian quand j'étais jeune, quoi. Tu vois, c'était un auteur, mec, il a quand même brûlé la vie par tous les bouts, mort à 50 ans, alors qu'il avait prédit qu'il voulait pas. Oh non, même pas. Même pas, 40. Non, non, il est mort plus jeune, il est 39. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as raison. Il disait qu'il voulait pas mourir après cet âge-là, quoi. Enfin, vivre après cet âge-là. Et effectivement, il est mort avant. Et qu'on me dise que ce gars, dans une boîte bof, quoi, de l'arrière-pays provençal, vauclusien même, parce que Vaucluse, ça veut dire vallée close, étymologiquement, donc ça vous situe un petit peu l'endroit, quoi, soit le petit-fils de Boris Vian, bah, écoutez, ça m'a espanté. Soit. C'est vrai que la boîte, elle doit être bien, du coup. Hein. Ils vont passer de la bonne musique, alors. Avignon. Bah, ouais. Ça rock, ça, Avignon. Non. Du reggae, il passe du dub. Non, le pas, il peut passer la mauvaise techno italienne. Hein. En parlant d'humour, je pense que, Colonel, tu as préparé une douceur, là, qui doit arriver. Tout le temps, moi, je prépare tout le temps des douceurs. D'accord. Je me sens comme un pâtissier. D'accord, ok. Tu as donné un titre à la douceur qui arrive ? Ou c'est une surprise ? Non, c'est vrai, tout le monde va reconnaître. Tout le monde va reconnaître, c'est pas la peine de donner des titres. D'accord. Alors si Daniel veut dire à son fils adoptif d'envoyer ce qu'il faut. Alors il me dit, avant d'envoyer le truc, qu'il vient de mettre une photo de Cédric Vian dans le chat, hein, pour ceux que ça intéresse. Magnifique. D'accord. Document exceptionnel. Il faut renier ses valeurs, son unicité, il faut courber les chines, regarder le sol lorsqu'on marche, friser les murs et vivre dans une petite vie. Voilà, moi j'espérais que sur LineGuard, j'aurais pu trouver peut-être des personnes qui s'aligne sur mon idéologie, avec qui je peux parler, avec qui je peux m'entretenir, avec qui je peux avoir des dialogues philosophiques. Comme dit Spinoza, tout ce qui t'enlève de la puissance, tu délaisses et tu fuis. Le discours, ce type de français, j'ai mes oreilles qui ont envie de saigner. Qu'elle arrête les fesses. Moi-même, je me cultive, j'essaie d'avoir un français de plus en plus correct. Pression au niveau de ma femme lorsque je lance des gardes un peu tard chez moi en Chine. Chez moi en Chine. Donc là, j'en profite, je suis tout seul dans une chambre. Chez moi en Chine. Chez moi en Chine. Qu'elle arrête les fesses. C'est pas un sapiens avec qui j'ai envie de correspondre, si tu veux. Je suis pas français, les amis. La Bible de Satan de. Qu'elle arrête les fesses. Chez moi, c'est vrai qu'en ce moment, je subis des critiques de tous les côtés, les amis. C'est quand même incroyable. Chez moi, qu'elle arrête tes fesses. De la Bible de Satan. Chez moi, dégueulasse. C'est qu'elle arrête tes fesses. Je vous dis clairement, je n'ai jamais aimé le peuple. Chez moi, c'est une masse méchante, brutale. Chez moi, je suis pas français, les amis. Chez moi, et qui va te dire que l'élite a pour but de crétiniser la masse. Jusqu'à l'arrêt tes fesses. Chez moi, en Chine. Jusqu'à l'arrêt tes fesses. Chez moi, en Chine. pas français, les amis. Donc là, j'en profite, je suis tout seul dans une chambre. Je suis pas français, les amis. Je calme arrête tes fesses. Chez moi, en chine. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais rabaissé ni parlé. Chez moi, en chine. Anti-anarchiste. Moi, j'aime les vrais anarchistes. Qui est anti-marxiste au possible. Peut-être même anti... Moi j'aime les vrais anarchistes. Donc là j'en profite, je suis tout seul dans une chambre. Chez moi en Chine. Jusqu'à l'arrêt des fesses. Il y a El Loco qui est un véritable anarchiste. Que je respecte. Il y a Jean-Michel. Et il y a Brahim Runa. Chez moi en Chine. Moi, ce que je cherche sur Linga, à la base, c'était de monter une petite communauté de gens qui pouvaient penser, chez moi, chez moi, avoir une pensée qui était compatible avec la mienne, ou être relativement proche de la mienne. Chez moi, chez moi. En dehors ces gens qui ont le culte de la faiblesse. Chez moi, chez moi, chez moi. Moi, j'aime les vrais anarchistes. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde, et je critiquais ceux qui construisent le monde. Qui construisent le monde. Chez moi, chez moi. Est faible. Moi j'aime les vrais anarchistes. Jusqu'à l'arrêt de tes fesses. Moi j'aime les vrais anarchistes. Démoniaque. Jusqu'à l'arrêt de tes fesses. Chez moi. Démoniaque et sulfureux. Chez moi. De chialer, râler. Non, c'est juste un petit blog post. Chez moi. Jusqu'à l'arrêt de tes fesses. C'est juste un petit blog post. Donc là j'en profite, je suis tout seul dans une chambre. Qui pense par-delà le bien et le mal, jusqu'à l'arrêt de tes fesses, je suis tout seul dans une chambre. Moi j'aime les vrais anarchistes. Chez moi en Chine. Va te faire foutre, mon ami. Moi j'aime les vrais anarchistes. C'est quand même incroyable. Jusqu'à l'arrêt de tes fesses, donc là j'en profite, je suis tout seul dans une chambre. Jusqu'à l'arrêt de tes fesses, chez moi en Chine. Il faut faire des top dessus maintenant pour parler. Va te faire foutre, mon ami. Enfin, je dis pas ça, mais. Une capsule, écris ton texte, tu le lis en live, tu brodes, parce qu'au fait, très bien, où tu commences à exprimer une pensée qui part de là le bien et le mal, une pensée immoraliste, que les anges finalement c'est quoi? C'est des agents, qui est le seul qui soit dans l'adversité et qui est un élément qui est magnifique finalement, qui pense par-delà le bien et le mal. Vous êtes dans le culte de la faiblesse, les amis. Qui pense par-delà le bien et le mal, club, la soumission, les idoles, les groupies. C'est plus possible, les amis. À casser les idoles au marteau. Je n'ai pas suffisamment de mes idoles. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mais mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Je dis pas qu'il faut pas faire de capsule, j'ai dit que tu peux faire une capsule, la lire, que ce que tu as écrit, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand ça devient du freestyle, justement. Je suis pas d'accord, fin de sage. C'est la soumission et faire ami avec tout le monde. J'écoute Shadow faire sa petite capsule sur Wikipédia. Et à force de faire ami avec tout le monde. Anti-bibliothèque de Shadow numéro 1. Anti-bibliothèque de Shadow numéro 1. La quête de sens. Du sens. L'ineffable. Déesse. Et là... Salosecum, Enfavia, Tessida, Vigum, Sigla, Dies, et là... Silence. le silence. J'aime bien cette phrase. C'est du Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. J'avais 18 ans. Je traînais mes guêtres dans un quartier d'artisans quand je tombais sur une librairie de livres d'occasion. Et parmi les méandres de rayonnage de bouquins pleins à craquer, poussiéreux, qu'est-ce que je vois ? Un ouvrage chiffonné, corné, mais au titre Interlope et Aguicheur. Le Tractatus Logico-Philosophicus. Le Tractatus Logico-Philosophicus. Le Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, paru en 1921. Tractatus. Je l'achète. Tractatus. Tractatus. Oui, je crois que je l'achète. Peut-être que je le vole. Je le vole. Non, je l'achète. J'ai encore le ticket à l'intérieur. Je le ramène chez moi et je le mets dans mon anti-bibliothèque. Et tu vois, 5 ans plus tard, je tombe sur le blog d'un ami du nom de Sistar qui a pour l'habitude de critiquer des livres de science-fiction à partir d'un angle philosophique. Et ce jour-là, il nous livrait une lecture de La Servante écarlate de Margaret Atwood à travers l'œil de Ludwig Wittgenstein et de son ouvrage Le Tractatus Logico-Philosophicus. Mais comme je me sentais bête, ce petit livre de 70 pages qui me narguait régulièrement à chaque fois que je passais devant mon antibibliothèque, alors je me suis décidé à le prendre et à le lire. 70 pages, c'est rien ? C'est rien du tout. Parler du Tractatus Logico-Philosophicus, c'est impossible, mais bon. On est là sur une radio, tu m'écoutes. J'ai envie de te parler de ça, donc t'as pas trop le choix. Tu n'as pas le choix. Les livres vont te posséder, ils chuchotent. Un titre pompeux, un style sec et rébarbatif de manuel de logique et un aspect purement théorique. J'espère que t'as pas envie de lire ce livre après ce que je viens de te dire. Parce que ce livre est un trésor. Un trésor qui ne doit pas être partagé avec tous. Tu m'entends ? Ce livre est d'une originalité redoutable qui manie l'humour dans la plus grande discrétion pour un résultat des plus corsés. Mais je vais être simple, tu vois, je vais pas tourner autour du pot. L'enseignement du Tractatus, c'est un livre aussi vaste qu'une entreprise de foutage de gueule. Étudiant sérieux et érudit, hein, vous pourrez certainement trouver entre ces pages une nourriture intellectuelle qui vous confortera l'espace de quelques dizaines de minutes, mais bientôt, un doute va venir vous assaillir. Rien ne tient la route dans ce traité. En quelques propositions, tout s'effondre, pour peu que l'on décèle dans le texte sa propre contradiction. Wittgenstein écrit une critique acerbe de la complexité factice que les hommes confèrent au monde par le biais du langage. Pourtant, il a sans doute atteint l'apogée de cette complexité spéculative en rédigeant son Tractatus Logico-Philosophicus. Tu sais, tu as le temps d'aller te faire cuire un œuf jusqu'à ce que tu réussisses à déchiffrer cette proposition, celle de l'aphorisme 6.241. Est-ce que je vais te la lire ? Je sais pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut même pas essayer. Wittgenstein détruit la philosophie. En tant que discipline qui ne propose aucune nouvelle proposition, mais qui essaie seulement, et souvent vainement, d'éclaircir celle qui existe déjà, tu me suis, hein. La philosophie ne sert à rien et ne produit que du non-sens. La philosophie ne sert à rien. Et dans ce domaine, Wittgenstein rafle toutes les médailles. Sa propre philosophie ne vaut pas mieux. Il ne s'en cache pas et n'essaie même pas de se justifier. Au moins, son tractatus semble-t-il sincère et humain. Émile Cioran et son principe de contradiction semblent veiller entre les lignes des propositions de Wittgenstein. Et que dire de la conclusion de cet ouvrage ? Une merveille à elle seule. Je vais te la lire. Parce que je suis sympa. Très sympa. Très sympa. Être gentil. Et tu ne le vois même pas. Prends-en-pé. Je vais donc te lire en passage. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Il faut le taire. Voilà, c'était le passage que je voulais te lire. Ouais, je me fous de ta gueule. Mais tu vois, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu cette conclusion. Wittgenstein se fout de ma gueule, il a bien raison. Est-ce qu'il fallait des pages pour en arriver là? Des pages de propositions? Sans doute. Alors j'approuve cette conclusion. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois me taire pour autant? Certainement pas. Et ça, c'est la condition absurde de l'être humain défini en une seule phrase. C'est tordant, c'est cruel, et c'est écrit dans le langage le plus sévère possible. Wittgenstein est un pince sans rire doué, un comédien nihiliste du plus grand talent. Il faut se promener entre ses citations comme entre des prototypes humanoïdes d'une invention nouvelle, un peu dégénérée et pourtant fidèle à leur sujet de représentation. Mes propositions sont d'une beauté kitsch, et si on ne peut pas les apprécier pleinement pour leur valeur logique incomplète, on pourrait s'émerveiller de leur pertinence psychologique. On cheminera entre le loufoque hallucinogène. Il y a par exemple cette phrase. Soit dit en passant, les objets sont incolores. On retrouvera l'existentialisme sartrien. Je cite. La substance est ce qui existe indépendamment de ce qui arrive. Un éloge à la relativité. Je cite. Le monde de l'homme heureux est un autre monde que celui du malheureux. Il y a aussi l'espoir des univers infinis à la Milan Kundera qui existe malgré tout. Je cite. Les objets contiennent la possibilité de tous les états de choses. Le Tractatus Logico-Philosophicus contient un secret. Un secret. Un secret. Secret. En donnant l'impression de parler de logique sur un mode ennuyeux, il ouvre la porte à un univers dérangé, chatoyant, aussi envoûtant que le monde étrange imaginé par Philip K. Dick. On atteint la science-fiction de plus grande qualité, et c'est peut-être de cela dont voulait parler Wittgenstein lorsqu'il évoquait l'importance de l'acte de montrer. Alors taisons-nous. Et montrons, car c'est cela le sens, la métaphysique pure. Je cite encore. Comment la logique, qui embrasse toute chose, qui reflète le monde, peut-elle avoir recours à des attrapes et à des manipulations aussi spéciales? Pour la seule raison que ces moyens sont liés en un filet infiniment subtil au grand miroir. Start feeling so lost and lonely. Then without hearing lies. So tell her then you can get what you want. Do you know what you want? So you can't get what you want. Do you know what you Écoutez Radio One Shot, la radio digitale, avec un peu de musique. J'espère que ça vous a plu. Et on reprend l'émission avec un petit blind test un peu différent, concocté par notre ami Kiev. J'espère que vous êtes prêts. En plus, cette fois, on aura un peu moins de décalage avec le chat. Donc, explique-nous ça un peu. Kiev. Alors, c'est juste une variante du blind test. Alors, cette fois, on va vous sortir... des gens que vous connaissez sur notre petit réseau. Et on a en fait légèrement modifié les voix. Et rien qu'en écoutant le discours, vous devez nous donner dans le chat le nom de l'interprète, s'il vous plaît. Et alors, moi j'aurais voulu aussi qu'intervienne Maître Capécolo. C'est l'arbitre. L'arbitre pour tous les jeux. Les Jeux Olympiques, oui, bah non, mais pardon, je vous permets pas, monsieur. Non, excusez-moi, je viens de perdre un point dans le championnat. Plus alors, que ça, même. Alors, je voulais demander, est-ce qu'on peut intégrer ce jeu dans le championnat? Parce que ce soir, sur le chat, il n'y a peut-être pas forcément tous les concurrents habituels, mais en fait, pour récompenser un peu... Oui, bonsoir le chat. Ouais, bonsoir à tous, hein, évidemment. Bonsoir Pascal, Delphine, salut Farid. Mon respect, monsieur Farid. Siane. Et oui, c'est Capécolo. Donc, je voulais savoir, en fait, si on pouvait attribuer ces points et les intégrer au championnat. Est-ce que c'est possible, Maître Capécolo, vous qui connaissez tous les arcades de l'arcade. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Des fois, on pourra les intégrer, des fois, on ne pourra pas les intégrer. Ça dépend, en fait, de la saison et d'autres choses. Mais actuellement, nous pourrons donc intégrer les résultats de ton nouveau blend test alors. Alors c'est oui voilà c'est alors, là c'est évidemment comme on est sur la version bêta de la radio. On va tester ce jeu effectivement avec des gens qu'on connaît un peu sur nos réseaux, mais à terme ça se fera évidemment avec d'autres personnes. Monsieur Roboto, est-ce que vous pouvez lancer effectivement le premier extrait sonore? Je me sers de personnages à qui je donne des traits. Et ouais. Où il rentrait lui aussi dans le jeu d'une bande de furoncles qui j'ai tarté à la tronche il n'y a pas longtemps. La fameuse bande à Louisette. Oui, j'étais d'ailleurs. La bourrique, la carne bonne pour les caresseurs qui s'est permis, ils se sont permis de mettre dans le live patator et je sais pas quoi, et de m'associer. Et en plus, là donc, j'apprends effectivement que donc je serai qu'un copain phénomène. Ah, voilà, ça y est, c'est pas un voodoo qui était tapis dans l'ombre. Ah, le cher voodoo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il vient de prendre un point. Mais non, c'est... Non, c'est Ketcha. C'est Ketcha. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, oh, non, mais Voodoo, merde, tu vois, j'ai voulu te... Hey, oh, attendez. Oh. Alors, ça commence. Bon, mais comme Ketcha, je l'aime bien, effectivement, je n'avais pas vu. Donc, Ketcha, bienvenue à toi. Un point. Voodoo, t'es nul, t'as perdu, nul, zéro. L'enfoiré, zéro, il était là depuis une heure, tu sais, il attendait. Non, il attendait en traître, celui-là. Pas de point. Salopard. Bon, tout le monde a bien répondu, donc... Bah, Ketcha... Bon, tout le monde a bien répondu, mais Ketcha a pris le premier point. Alors, avant qu'on... Ne t'inquiète pas, je vais arranger tout le monde. Oui, il y a plusieurs nuances, on va pouvoir en parler. Non, mais avant qu'on rentre le truc, je voulais juste savoir par rapport au classement général aux dernières nouvelles. Il me semble que c'est Delphine qui avait fait une percée magnifique la dernière fois. Je ne sais plus si c'est elle qui est en premier ou si c'est... Oui. Alors, Delphine... Attendez, j'ai plein de papiers. Maître Capelloco, regarde dans ses dossiers. Oui, attendez. Alors, elle est où, Delphine? Delphine, elle est... Suspense. Oui. Non, mais... Voodoo, je suis désolé. Non, mais Delphine est en tête. Ah. Et Voodoo est en tête. Avec 7 points. 7 points et 2. Voilà. Alors, après, j'ai... Il y a Voodoo. Rui Costa... Pardon. Oui. Il y a Voodoo qui n'est pas d'accord, il dit que c'est lui le premier, mais on a bien la preuve que c'est Ketcha là. Désolé. Ah, c'est sûr. Non, là. Écoutez, je fais ce que je veux. Donc, Voodoo, il a 7 points, mais pour l'instant, ça compte pas parce que c'est Ketcha qui a gagné un point. Donc, laissez-moi faire. Voilà. On va tous retomber sur vos pattes. Vous inquiétez pas, j'ai le petit cahier bleu. Monsieur vous inquiétez pas. On vous consultera pour la suite des événements. Oui, voilà. Voilà. On vous consultera. Monsieur Roboto, c'est à vous. La politique, il n'y a aucun problème. Moi, c'est les hommes. L'homme, t'es pas, est un escroc. Je n'aime pas les gens malhonnêtes. Je supporte pas les malhonnêtes qui la font à l'envers aux gens qui travaillent à leur côté. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Quel qu'il soit, j'en ai rien à foutre. Je supporte pas les escrocs. Oui. Alors, pour répondre à l'autre ordure qui vient de me dire, ouais, tu viens sauver la veuve et l'orphelin, oui, je t'emmerde, moi, oui, je t'emmerde. D'accord? Je t'emmerde. Je t'emmerde bien comme il faut. Je viens aider la veuve et l'orphelin, ouais. D'accord? Je suis contre, moi, ces rats, ces ordures, hein, chez Popo. On est contre ces rats, ces ordures qui font du mal, à leurs femmes, d'accord? À leurs enfants, parce qu'il a également fait des torts à ses enfants. Ah oui, il s'est affiché. Ah, Siané! C'est Siané. Ah, il faut Siané. Une question. Ah! Alors là! Ah! Ah! Ah! Delphine qui évidemment qui s'engouffre dans la faille. Peut-être que c'était une erreur de frappe de la part de Siané, on ne sait pas. Ouais, peut-être que sa mère a ripé. Il faudrait consulter Maître Capelloco. Oh, Maître Capelloco, je connais pas très bien là. En connaissant Siané, elle a mis son point d'interrogation par politesse. Et par politesse. Donc, je donne un point à Siané. One point to Siané. Toujours un point pour Ketcha. Delphine n'est pas loin. Si Delphine, bon. La prochaine fois, elle est dans le peloton, je pourrais lui rajouter un point si elle n'est pas sur la première. Je m'arrange, ne vous inquiétez pas. J'ai l'œil. Est-ce que tu es payé ou pas? Oui. C'est pas très clair. C'est Saversodo qui me paye. Okay. Vous voyez, il aime pas les escrocs. Hein, il l'a dit dans cet extrait. Non, j'aime pas les escrocs. Les menteurs, il aime pas les escrocs. Vaudou, t'es nul. T'as 0 point. Voilà. T'as 0 point. Dans ce jeu, t'es nul. T'as 0 point. Pour l'instant, Ketcha et Siané sont en tête. Oh, Monsieur Roboto. Action. Là, j'ai envie de leur mettre, bizarre, vous comprenez pourquoi en français, ils se prennent pour des... C'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'être naïve. Nous avons une mafia en France. C'est une réelle mafia. Celui qui est franc-maçon un jour, il est franc-maçon toujours. Les vrais résistants, ils sont menacés de mort. Les vrais résistants, ils font pas, ils dépassent pas 1000 abonnés. Ils dépassent pas 2000 abonnés, sachez-le. D'accord. Les vrais résistants, ils pensent, ils montrent pas leur gueule devant la télé, ils sont pas. Ah oui, oui, oui. Ils sont pas dans cette. Ils veulent pas le pouvoir. Un vrai résistant refusera le pouvoir. Bien joué, Henri. Ils veulent pas le pouvoir. Un vrai. Rui Costa, je pense que c'est sans appel là. Il y a même pas. Ouais, mais Jeanne n'était pas loin non plus. Ah, hein. On peut Ketcha aussi. Mais... pour l'effort créatif de Jeanne quand même. Ketcha. Non, il n'y a pas d'effort créatif, non, là, c'est pas possible. Vous êtes tous à un point. Vous vous rendez compte, c'est Ketcha, Siané et Rui Costa. C'est très très serré. Attention, le jeu va être plus rapide que les autres. Ouais, ils sont très, vous allez voir, ils sont tous très, très caractéristiques, même avec la voix déformée, on reconnaît le. Concentrez-vous là. Ouais, là, alors le suivant, bon, sachez que dans la série, il y a un piège. Mais le suivant, normalement, ça devrait aller assez vite pour vous. Donc, concentrez-vous. Rapprochez bien votre tête de l'écran. Et debout, on y va. Surtout, hein, vous l'oubliez toujours, là. Debout devant l'ordinateur. Voilà, debout et sans ventilo. Oui, oui, oui. Oui. Sans ventilo, s'il vous plaît. Il est chaud. Ne restez pas tranquille. Allez. Assez, Roboto, c'est parti. Assez d'entendre toutes ces méchancetés. Tous ces mensonges de ces faux sonneurs d'alerte, de tous ces imbéciles qui les répètent. Un autre imbécile répété. Merde. Oui, toi, le crétin qui a dit ça. Dis-moi le livre que moi, j'ai plagié. Pauvre con. J'en ai ras-le-bol aussi. Il a dit ce con de vaudou. Il y en a marre. Moi aussi, je peux péter un câble. Et il faut pas être à côté de moi quand ça se passe. Ça suffit, il y en a assez. Non. Vous êtes les mêmes qui critiquaient les gilets jaunes. Ketcha ? Vous êtes les mêmes qui vous font. Ah oui, Ketcha. Ketcha, ça marque bien. Ketcha vient de prendre un point. Ah oui, alors là, elle a 2 points. Enfin, elle ou je ne sais pas. Il a 2 points. Siané, 1 point. Rui Costa, 1 point. Vaudou, 0 point. Nul. Allez, Isidore, un petit voilà. Effort pour la prochaine. Je pense que tu peux le faire. Jean Durocher. Jean Durocher, c'est qui Jean Durocher ? Jean de Roc, Jean Durocher, tu vois. Le... Il m'inquiète, Vaudou, là. Il couvre quelque chose. Hein. Ah, la grippe, sûrement. La grippe porcine. Alors, je vous répète qu'il y a un piège hein, dans la série. Petit Roboto, vous pouvez envoyer le son suivant. Oh, Kiev, toi. Le génie. Oh putain, je l'ai. La lumière. Le boss. Le président. Oui, je sais. Là, faut connaître son histoire des hangars. C'est pour les connaisseurs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre génie du hangout l'avait prévu à gagner ce pari. Contre mon humble carcasse, ma stupidité, homme, le prétentieux, le cafard prétentieux qui avait cru. Farid, bien joué. Ah, Farid qui vient de rentrer dans le game. Oui, il rentre dans le classement, c'est ce que j'allais dire, c'est le premier. Farid. Il y a une culture, ce Farid, c'est impressionnant. croque en vaudou. Il va chercher des cas vaudou, c'est impressionnant quand même. Antifarisien. T'es malade. Moi vivant, j'ai jamais. Vaudou, t'es toujours en retard. C'est ce que je te dise. Oh Toulouse. Oh Toulouse. Un petit peu d'autosuffisance de ma part. Oui, ça fait toujours du bien à l'ego quand même. Allez vous faire cuire un œuf. Comment c'est possible, Géraldine, Delphine, dit la bonasse. Explique-moi. Alors, là, on doit en être au numéro 6, je pense. Donc, gardez bien en tête. Il y aura forcément un truc un peu surprenant pour vous. Monsieur Roboto. Sois plus méchant. I'm delighted and honored to receive a special prize in fundamental physics. I would like to thank Yuri Milner for founding these prizes, to recognize outstanding work that may not qualify for the Nobel Prize, because it is very difficult or impossible to confirm experimentally. In my case, although almost every theoretical physicist agrees with my prediction that a black hole should glow like a hot body, it would be very difficult to verify experimentally. The temperature of a macroscopic black hole is so low. C'est Arsenio, non? I thought my discovery would never be confirmed or recognized. Allez pas le dire. C'est qui? However, it could be claimed that it has already been directly confirmed by observations of the microwave background. Voilà. Voilà. Et voilà, pour la première fois, on n'a personne qui... Personne n'a trouvé, on est sérieux. Mais ils ont tous perdu. Voilà. C'était Hawkins. Voilà. Stephen Hawkins. Du coup, quand on ne trouve pas, tout le monde retombe à zéro, non? Donc, si j'ai... Donc si j'ai bien compris, ça ne sert à rien. La mort de Louisette. Ça sert à rien, non, Carcelio, là, bah, Carcelio ne casse les couilles avec Hawkins depuis 2 ans pour qu'il n'y en ait pas un seul qui ou alors aille vérifier. Arsenio, je sais pas. Bon, bah voilà, un point, voilà, c'est un point que vous avez laissé filer, c'est pas... Un point de perdu au blind test est un point qui ne se récupère jamais. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est voilà, une de perdu. J'ai les papiers, hein, ils sont là. Hein. J'ai tous les dossiers. Ouais. Il y a Voodoo qui dit j'ai dit Arsenio, ouais. C'est pareil. Oui, c'est pareil. c'est pareil. La suite, monsieur Roboto. Bon, alors, les ondes, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on en parle? Moi, je suis tout en filaire. Mais le mec, il ne tient pas 10 secondes devant des mathématiques. Si, moi, je les accepte. C'est un sataniste. Sataniste corrompu. Pour quelques francs, quelques euros par mois, et qui est prêt à tuer la terre entière pour faire tuer les plus cons et les plus pauvres que lui. C'est un enfoiré de sa race. Pierre est un enfoiré de sa race maudite. Si vous n'appelez pas ça moi, malgré mon âge, je le... Laisse-le jusqu'à la fin. Je lui fais un bisou. C'est vacciné contre quoi? Alors toi, hé, il faudrait que qu'on t'ait vacciné contre la connerie. Non mais moi je te dis, j'ai le droit aux informations contradictoires. Maman, c'est Farid qui vient de prendre le point, mais je vois que Rui Costa était juste derrière. Ça me donne envie de lui donner un point aussi, parce qu'il a déjà un point. Il mérite, il est dans le peloton depuis tout à l'heure quand même, mon petit Rui. Mais il y a Vaudou aussi qui est dans le sillon. Non, Vaudou, on l'a pas. Ah, il m'a déçu. Vaudou, il m'a déçu. On peut mettre il m'a déçu, là. Victor aussi, qui est dans le peloton aussi, finalement. Qui ça? Isidore, elle répond juste après aussi. Ah non, Isidore, il m'a déçu aussi. Non, non, non. Non. Bah moi, je sais pas. Allez, je mets un point à Rui. Je prends la responsabilité. Du coup, Ketcha a 2 points. Rui a 2 points. Farid a 2 points. Siané a 1 point. Vaudou a 0 point. Tous les autres aussi, d'ailleurs. Delphine proteste. Je le note, ça, Delphine. Fais très attention à toi. Je vais te retirer un point dans le blind test final. Attention. Voilà, je reprends la parole, Delphine. On se calme. Sa place, parce qu'après. Alors, je ne sais plus combien il nous reste d'extraits. Un seul, je crois. Un ou deux. On en a deux. On en a deux encore. Ouais. Donc là, c'est les deux derniers extraits. Non, c'est le moment. Alors, est-ce qu'on. J'ai presque envie de dire celui-là, je vous demande, est-ce qu'on pourrait peut-être attribuer 2 points pour ce prochain extrait? Je ne sais pas, c'est une idée. Ok, c'est vrai. Allez. 2 points. On dit premier, deuxième. Mais je te rappelle quand même que Kecha a 2 points, Rui Costa a 2 points, Farid a 2 points. S'il y avait à 1 point. Donc c'est vrai que ça change tout maintenant si on met 2 points. Bon, alors on reste, un point. Premier gagnant, 1 point. On va rester classique dans les. Oui, c'est. Ok. Bon, même sur Roboto, vous pouvez y aller. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc, à l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Et donc c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Butarache? C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal, qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète donc, et pour accompagner l'humanité dans une nouvelle dimension qui est la 5e. » Il m'a dit « tu devrais t'intéresser à l'Atlantide. » La deuxième que vous n'avez pas trouvée. Ah oui. Ah si, Delphine elle a trouvé. Delphine. Ah, Delphine a trouvé. Alors j'ai l'impression que c'est son prénom, il paraît. Bien joué. Bien joué Delphine. Toujours là. Toujours aux aguets, Delphine. Elle est forte, hein. Très forte. Toujours là, elle est forte. Bravo. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, Delphine. Excuse-moi, je me suis emballé. Tu as 1 point. Professionnalisme. Et là, par contre, cette fois-ci, si tu mets le coup des 2 points, ça veut dire que tout le monde peut gagner en trouvant celui-là. Tous ceux en concurrence peuvent gagner, là, puisque ça fera 3 ou 4 ans. Et voilà. Ok pour moi, Ok, les 2 points pour cet extrait-là, donc, Monsieur Roboto, à vous. Moi-même, pour ma propre santé mentale et spirituelle, j'aimerais jouer un peu de flûte. Ça me calme, ça me fait respirer, faire connecter avec vous. Est-ce que je vais jouer si j'ai bien la chose? J'enregistrerai. Ok. Let's go. Ça joue pas putain, je t'ai de trouver, mon dieu. Ok, tiens. Voilà. Ok, tiens, a tout défoncé. Alors là, extraordinaire, Ketcha. Ouais. Se retrouve avec 4 points. Et donc, c'est une victoire totale. Grand gagnant ou grande gagnante de la première partie de... Grisou Costa, 2 points. Farid, 2 points. Delphine, 1 point. Siané, 1 point. Vaudou, 0 point. Vaudou, c'est quand même la stupéfaction hein, ce soir. Franchement. C'est un peu le PSG. Le Racing Club, oui, le Racing Club. Le Red Star. Red Star, parisien. Il lui reste le blind test de la fin, alors, je veux dire, où faut, là, oui, il va falloir qu'il fasse une performance carrément édifiante là, à la fin. S'il ne boit pas trop ou s'il ne se drogue pas trop, peut-être qu'il pourra jouer. Ou qu'il se drogue plus, peut-être. Ou alors qu'ils prennent la bonne drogue, ouais, je sais pas. Il fasse quelque chose, en tout cas. Allez-vous. C'est comme d'où t'as encore environ une petite heure pour te mettre bien. Ouais, il faut. Vaudou, fils de mamar. Va sacrifier les poulets. Exactement, prépare. Sans le congèle, il doit bien avoir 2-3 de poulet. Ah, c'est peut-être le H5M. C'est bien, Farid. Je veux dédier ma victoire aux enfants qui meurent de faim en Afrique de l'Ouest. Oui, donc, et comme Ketcha aussi. Alors... Ketcha aussi veut faire une participation, oui, dédier cette victoire aux enfants du Sahel, je crois. Comme toi, Kiev. Je pense que ça va beaucoup, ouais, les... S'il y a des... ça va beaucoup les aider. S'il y a des dédicaces, allez-y. Hein. Oui, c'est ah. Bonjour papa, bonjour. Voudou, il est tellement énervé. Voudou, c'est entre 10 minutes et 52 minutes. Ouais, voilà, on fait ce qu'on veut, Voudou. Je ne sais pas. Ouais, on fait ce qu'on veut. Et le premier extrait, en tout cas, formidable victoire. Ouais, franchement, c'est... C'est impressionnant. Sans appel. C'est sans appel. Non, mais on sentait la motivation dès le départ, de toute façon. Donc, Ah, puis... oui, alors, attends, il y avait... Moi, j'ai trouvé Patator. Patator, j'arrive à le reconnaître. Ouais. Mais j'ai confondu à un moment donné... J'ai cru que c'était Elbez. À la place de... De Jeanne. Le truc de sataniste ou... Peut-être, SNL. Oui, Jeanne. Ouais, Jeanne, ouais. C'est marrant, parce que je pensais que Saber, vous alliez le trouver plus... Enfin, que vous alliez galérer un peu plus, parce que j'ai pas pris spécialement des mots-clés, quoi. Galérer, Saber. Mais c'est quand il dit des rats. Des rats. Des rats. Tu peux pas... tu peux pas test, mec. Ah, c'est impossible. Avec lui qui sait le dire comme ça, quoi. Et puis plein d'autres... Chacun sait faire un truc, hein. Bon, ben voilà. Leur signature. Bon, ben voilà. Hein. Alors, on en est où, du coup? Parce alors, qu'en fait, on regarde aussi les commentaires et tout. Chacun fait nos trucs. Puis personne n'est sur le conducteur. Du coup, où en sommes-nous? Alors, normalement, normalement, on doit rebalancer le bousin et partir sur une très belle chanson. Ah, Monsieur Roboto, s'il est présent, c'est à lui. Thank you. Mais oui, c'est clair. Radio One Shot est encore plus gaga que Lady Gaga. Radio One Shot, c'est pas seulement une radio. Radio One Shot, c'est ta radio. Et Radio One Shot est heureux de t'accueillir en son sein. Le savez-vous ? Il y a 23 pays dans le monde qui n'ont pas d'armes. Comme dirait l'autre, pour les connaître, faites vos recherches. Le savez-vous ? En Islande, il n'y avait pas de télévision les jeudis jusqu'en 1987. Pour ceux qui comprennent la référence, c'est pas triste les jeudis, avec ou sans Beko. Le savez-vous ? Février 2010, BHL, piégé par Jean-Baptiste Bourtul, personnage fictif, créé en 1995, est né d'un canular littéraire. Hors surprise, BHL passe au vitriol ce personnage inexistant. C'est hilarant. Le savez-vous ? En 2005, un supporter de Liverpool s'est suicidé parce que son équipe perdait. Or, à la fin du match, son équipe a gagné. Comme dirait Massa Maka Jabate, plus la patience est grande, plus belle est la vengeance. À bientôt pour un autre savez-vous. Un exemple de fake news qu'on a pu retrouver sur le média mainstream, qui m'avait particulièrement intéressé, c'était l'affaire du journaliste Klaas Relotius, journaliste allemand qui travaillait pour le magazine Der Spiegel, un des hebdomadaires les plus vendus en Allemagne. Il s'écoule à peu près à 700 000 exemplaires chaque semaine, et sur son site, fait à peu près 6 millions de visiteurs uniques chaque jour. Il a même en son sein une équipe de type Décodex, qui est chargé de vérifier si les articles écrits par les journalistes du Spiegel contiennent des fausses informations, des fausses sources, etc. Et pourtant, fin 2018, c'est le scandale. Klaas Relotius est un faussaire, il a falsifié à peu près un tiers de ses articles, et pourtant, personne ne s'en a aperçu. Mais comment cela est-ce possible ? Klaas Relotius a conforté les gens à l'intérieur de son journal avec leur propre vision du monde. Il a écrit des articles sensationnels, mais qui étaient toujours adaptés à la propre vision du monde de ses collègues. Il écrivait notamment de faux articles sur l'enfant qui a déclenché la guerre en Syrie, sur les racistes blancs dans les États du Sud, racistes blancs pro-Trump, etc., etc. Klaas Relotius est quand même assez intéressant puisqu'il a reçu, en 2014, le prix du meilleur journaliste de la CNN et aussi l'équivalent du prix Pulitzer allemand et plusieurs prix suisses. Il aura fallu qu'un journaliste, nommé Juan Moreno, contacte des sources citées par Relotius dans un de ses articles sur les caravanes des migrants aux États-Unis. Moreno souhaitait les réinterviewer pour continuer le storytelling et voir comment leur histoire avait évolué. Et en les contactant, il s'aperçoit que ces gens ne connaissent pas le journaliste, n'ont jamais entendu parler de lui, il ne les a jamais interviewés. Moreno est perturbé, il prend contact avec la rédaction du journal de Spiegel, mais finalement, il s'aperçoit que sa rédaction n'est pas derrière lui, et il est même ostracisé. Il continue ses recherches, et s'aperçoit qu'un tiers des histoires publiées par M. Relotius sont fausses et inventées de toutes pièces. La pression médiatique fait que Moreno est vite réintégré dans son équipe du Spiegel, mais ça montre aussi à quel point quelqu'un qui apporte un message de vérité peut être rejeté par les siens malgré une vraie information. Ce fut donc un scandale médiatique, mais ce qui m'importe là-dedans, c'est de comprendre les mécanismes qui poussent une équipe, un journal, un des plus sérieux allemands, à agir de la sorte. Finalement, on s'aperçoit que dans le mainstream, on a aussi des bulles de filtre qui nous empêchent de voir complètement la réalité. Ce qui était intéressant chez Relotius, c'est que ces histoires étaient fascinantes, mais qu'elles étaient surtout complètement dans le message de la doxa. Elles allaient dans le sens de ce que les gens, à l'intérieur de son équipe, de son journal, voulaient entendre. Et c'est grâce à cela qu'il a réussi à tromper tout le monde, puisque ça allait tellement dans le sens de ce qu'on voulait entendre, qu'on ne prit pas les mesures pour vérifier si ces articles étaient vrais ou faux. Je trouvais cet exemple assez intéressant, puisque ça nous montre que l'erreur est partout, et j'ai même l'impression que c'est un biais cognitif, finalement, qui nous pousse à toujours croire ce qui va nous réconforter dans nos propres opinions, et nous empêcher de nous dépasser nous-mêmes dans une recherche de vérité sincère. Pour conclure, je dirais que nous sommes tous des moutons. Nous sommes dépendants des sources, des informations que l'on nous transmet, et il est très difficile d'avoir une vue d'ensemble. D'où l'importance de faire l'effort avant de diffuser une information soi-même, de devenir un transmetteur d'informations, de faire le minimum nécessaire pour avoir une vue d'ensemble. Pour sortir des bulles de filtre, c'est déjà intéressant sur les réseaux sociaux de s'abonner à 2-3 chaînes qui sont complètement à l'opposé de ce que nous pensons. Si je suis d'extrême gauche, je vais m'abonner à 2-3 chaînes d'extrême droite pour essayer de voir ce qui se dit de l'autre côté et en combinant toutes ces informations, de me rapprocher de la vérité, et vice versa. Je pense que c'est important aujourd'hui, puisque de plus en plus nous nous informons à travers des réseaux sociaux, où nous choisissons nos sources, et du coup, nous avons de moins en moins accès à quelque chose d'holistique qui va regrouper toutes les opinions qui se trouvent dans la société, et nous risquons de nous fermer dans nos propres paradigmes. Sur ce, soyez curieux et soyez libres. Ta fougue résonne dorénavant comme la vie. cacher des millions de chevaux. On se lit pendant les guerres, les yeux arrachés. Merci cheval, merci de te faire tuer. En notre nom, tu es le plus beau, je t'aime. Tu es le plus beau. Pandora. Dans la mythologie grecque, Pandora signifie les malheurs. Pandora est une femme, elle est faite d'eau et d'argile. Elle fut créée sur l'ordre de Zeus qui voulait se venger des hommes pour le vol du feu par Prométhée. Zeus offrit la main de Pandora à Épiméthée, le frère de Prométhée. Pandora apporta dans ses bagages une boîte mystérieuse que Zeus lui interdit d'ouvrir. Celle-ci contenait tous les maux de l'humanité, notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, ainsi que l'espérance. Ne dit-on pas, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie? Pandora céda à la curiosité et ouvrit la boîte, libérant ainsi tous les maux qui s'y échappèrent. Elle voulut refermer la boîte pour les retenir. Hélas, hélas, il était trop tard. Seule l'espérance, plus lente à réagir, resta enfermée. Vous, oui, je m'adresse à vous, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez Radio One Shot, chiche, si vous essayez de rattraper tous les maux de la Terre afin de les remettre dans la boîte de Pandore, à vous de jouer, à bientôt! 18, 17 ans à la limite, je ressuscite. C'est reparti. Alors, je suis avec Shadow parce que donc on t'a tous écouté sur ce que tu nous as proposé. Ouais. On a écouté, on a tous compris. Vous avez tous compris. Ouais, tous. Ouais. je voulais pas que vous compreniez justement. Mais si tu pouvais nous réexpliquer, parce que comme on a compris, peut-être au milieu il y a un truc ou deux qui nous échappe. Mm-hmm. Et je ne sais pas, c'était en même temps très rigolo, donc c'est quoi exactement? Tu peux répéter la question, en fait, tu peux la reformuler. Ton truc, là, de philosophocus, là. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est quoi le projet? C'est un des livres qui a habité longtemps mon anti-bibliothèque. Et alors, que j'ai fini attends, avant de lire, tout chose, c'est... quoi? Qu'est-ce qu'une anti-bibliothèque ? Pardon, avant toute chose, c'est donc tu as une anti-bibliothèque chez toi. Oui. Tout le monde sait que je... Dans ta pièce, là où tu vis. Bien sûr. Tu... Voilà. Voilà. Tout le monde sait que... et ça ressemble à quoi exactement ? Ben, ça ressemble à une bibliothèque avec des livres, quoi. Mais c'est une anti-bibliothèque, c'est particulier. Enfin. D'ailleurs, quand j'ai lu un livre de cette anti-bibliothèque, je la range dans la bibliothèque normale, quoi. Je fais plus partie d'anti-bibliothèque. C'est particulier. Et moi, je vais vous donner le goût d'avoir une anti-bibliothèque. Ou le dégoût, d'ailleurs. Ça m'arrange si vous ne le lisez pas, parce que je me sentirais toujours plus intelligent, comme certains disent que je suis condescendant, parce que j'ai lu des livres. Il faut s'excuser d'avoir lu des livres maintenant. Ah ! Bon. Donc. Alors, attends. C'est-à-dire que tous les bouquins que tu peux récupérer comme ça, tu sais, les trucs de distributeur, le truc où on distribue des bouquins gratos, tu sais que tu prends parce que c'est gratos, et puis en fait tu les fous dans un coin et tu les lis jamais. tu les regroupes dans une seule et unique bibliothèque. Oh, c'est ça l'anti-bibliothèque. C'est gratuit, n'a pas de valeur. Alors. Ça... Oui, alors, voilà. Donc, tu je pensais que c'était autre chose, en fait, Shadow. Je pensais que c'était quand tu arrives dans une librairie ou que tu as parfois tu as un élan, une flamme pour un livre avec l'impression que tu vas être encore plus intelligent quand tu vas le lire et donc tu l'achètes et puis finalement tu le poses et puis finalement tu le lis 3 ans après ou tu le lis jamais. Est-ce que ça peut arriver comme ça aussi? C'est ça. Moi, j'ai plein de livres que je n'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu et je me suis dit peut-être que je ne les lirai jamais, mais ils sont là. Parce que, vous savez, les livres chuchotent. Mais en fait, je l'explique dans l'introduction de l'anti-bibliothèque, là. Je pense que... Alors, si on... justement, ouais. On a repris un peu la parole parce qu'au départ, on fait les choses à l'envers ici. On a commencé par l'épisode numéro 1. Tu vas en faire d'autres, j'imagine. Mais on n'a pas encore passé l'introduction. L'épisode 0. L'épisode 0, le pilote. Mais le truc, c'était très bien aussi d'en parler de vive voix pour nous expliquer ce que c'est quand même une anti-bibliothèque. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut tout expliquer. Il faut pas expliquer, je ne vais pas t'expliquer ce que je vais dire dans la session, mon copain. Tu comprends? Ah bah non. Donc, qu'est-ce que... C'était bien quand même. Moi, je ne sais pas comment En fait, je l'imagine ta bibliothèque ou ta non-bibliothèque. L'anti-bibliothèque, je voudrais savoir à quoi elle ressemble, en fait. Elle est grande, épaisse, profonde. Il y a combien de livres à peu près? De quelle couleur elle est? C'est un labyrinthe, c'est un château kafkaïen, c'est un endroit où tu te perds. Et puis, quand tu passes devant, c'est la seule bibliothèque, c'est le seul rayon chez moi où... J'entends les livres parler. Ils parlent entre eux, et puis ils me parlent à moi. Et je ne suis pas fou. Est-ce que c'est tant que c'est le livre qui est fou? Elle est devant toi. Quelle est la question? Est-ce que cette bibliothèque, elle est devant toi, dans la pièce où tu es là? Non, pas dans la pièce où je suis, non. Mais elle est partout, en fait. C'est-à-dire est-ce que tu peux aller la chercher? Voilà, c'était justement ça que j'allais te demander. Est-ce que tu peux nous la ramener, en fait, en direct? Ouais, écoutez, on va faire ça. C'est parti. Alors ben, c'est parti. Ça vient. Je sens qu'elle vient. L'antibiotique. C'est du direct, en tout cas. Tu la sens l'intro arriver? Tu la sens, l'intro? Est-ce que Monsieur Roboto, il la sent, l'intro? Le chuchotement des livres. Ils sont là. Toujours alignés. Du plus grand au plus petit, martiaux et militaires. Aucun d'eux ne bouge, attendant qu'une main vienne les frôler, les toucher, les se peser et avec un peu de chance les ouvrir. Ils sont de toutes les couleurs, parfois unis en rodage, ou bien des bébés en devenir. Chacun d'eux a sa fonction, son utilité. Vais-je en ouvrir un aujourd'hui? C'est inutile. Inutile. Comme d'habitude, je n'en ouvrirai aucun, ni aujourd'hui, ni jamais. Pourquoi? Parce que cela, je veux juste les posséder. Ce n'est ni une collection, ni un caprice. Je n'ai pas besoin de parcourir les pages qu'ils contiennent. Ce serait du temps perdu. Je ne les ai jamais lus, mais ils me parlent. Ils me parlent quand même. Je ne suis pas fou. Je connais tout leur contenu. L'histoire de cette femme qui aime pour la première fois, mais qui se meurt. ces deux compères qui décident de quitter la ville pour s'installer à la campagne. Cet enfant qui découvre la beauté et la faiblesse du monde à travers ses horreurs, je sais déjà tout. Ils me l'ont dit, des chuchotements incessants. Je sais déjà tout. Tout, tout, tout. Chuchotements incessants. Chacun leur tour. Ou en même temps, j'entends les mots, les virgules, les points. Je ressens les émotions des personnages, les sentiments que je pourrais éprouver. Ils me transmettent tout ça, sans bruit, sans douleur. Ils partagent. Ils n'en veulent pas de ne pas les lire. Ils savent qu'ils ont un foyer, un maître qui les écoute et prend soin d'eux. Je suis leur maître. Si à ma suite, quelqu'un, puis un autre, et encore un autre prennent le temps de les cajoler et les protéger, alors ils seront éternels. Ils pourront encore chuchoter à celui qui veut bien écouter les belles histoires qu'ils ont à raconter. Ils me possèdent. Ils me possèdent. Ils me possèdent. Ils me possèdent. Ils me possèdent. Pour eux. Rien que pour eux. J'ai une bibliothèque particulière. Particulière. Particulière. Particulière. Ils me possèdent. L'anti-bibliothèque. L'anti-bibliothèque de Shadow. Ils me possèdent. Ils me possèdent. Acheter, emprunter sans rendre. Voler même tous ces livres qui vous font envie et que vous ne lirez jamais. Rangez-les ensemble, surtout pas avec ceux qui ne sont plus vierges de votre regard. Un jour, vous verrez, ils commenceront à chuchoter de belles choses à vos oreilles. L'anti-bibliothèque de Château. L'anti-bibliothèque de Château numéro 2. Numéro 2. 2. Éloge de l'oisiveté par Bertrand Russell. Je cite. Dans un monde où personne n'est contraint de travailler plus de 4 heures par jour, tout ce qu'anime la curiosité scientifique pourront lui donner libre cours et tous les peintres pourront peindre sans pour autant vivre dans la misère en dépit de leur talent. Les jeunes auteurs ne seront pas obligés de se faire de la réclame en écrivant des livres alimentaires à sensation en vue d'acquérir l'indépendance financière que nécessitent les œuvres monumentales qu'ils auront perdu le goût et la capacité de créer quand ils seront enfin libres de s'y consacrer. Nul, je recommence. T'étais pas né, moi non plus. Ma rue dans le Vercors, sauter vers le mastic, volant d'enfer au fond des criques. J'ai fait l'amour à des moulins, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. C'est un livre de 35 pages dans lequel le philosophe Bertrand Russell te fait l'éloge d'une journée de travail de 4 heures. Et te démontre pourquoi le monde tournerait mieux avec ce système. Il va t'expliquer quels en sont les multiples avantages. Comme je te l'ai dit, ce livre a été publié la première fois en 1935 et à part quelques références à la Russie, encore sous régime communiste, on pourrait croire qu'il vient d'être écrit tant il semble moderne. Russell, écrit dans un style très accessible et avec énormément d'humour. Ses théories ne se basent pas seulement sur une lubie d'oisiveté, mais sur des concepts politiques, économiques, philosophiques, anthropologiques et psychologiques très sérieux. Néanmoins, tu peux lire ce livre vite fait, bien fait, même au bord d'une piscine pour expérimenter cette société oisive. T'as pas besoin d'un dictionnaire ou d'un wiktionnaire pour décrypter quoi que ce soit. Russell désacralise l'idée du travail vertu et voit en elle, l'héritière des années d'esclavage, la base de la plupart des maux de notre société. Je cite. Il faut bien faire en sorte que les pauvres soient contents de leur sort, ce qui a conduit les riches, durant des millénaires, à prêcher la dignité du travail tout en prenant bien soin eux-mêmes de manquer à ce noble idéal. De façon générale, on estime que gagner de l'argent, c'est bien, mais que de le dépenser, c'est mal. Quelle absurdité si l'on songe qu'il y a toujours deux parties dans une transaction. Autant soutenir que les clés, c'est bien, mais les trucs de serrure, non, c'est pas bien. Je vais te dire quelque chose. On apprend énormément de choses dans ce petit livre. Tout petit livre, dans l'humour, on fait un petit bijou qu'il faut que tu découvres. Mais t'as le temps. Emprunte-le. Le rends jamais. Laisse-le bien faisandé dans ton antibibliothèque. Et dans 10 ans, quand tu trouveras que t'as trop travaillé, tu le prendras et tu le liras. Et tu verras que tu t'es bien planté, mon pauvre. En plus, Bertrand Russell va droit au but pour démontrer sa thèse. Franchement, il se perd dans aucune divagation pseudo-intellectuelle qui pourrait l'éloigner de son propos. Il s'en tient à ce qu'il annonce et il le fait bien, tellement bien. Dommage même que ce livre soit si court, comme un encas. Je vais aller manger un yaourt. Un yaourt. Un yaourt. Éteint le plafonnier, éteint dans la cuisine la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Où es-tu? Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Vois en panoramique, urgent et désirant. Une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, Patrick. Idée noire, avalée par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi? Je veux m'enfuir. Tout seul tu finiras. Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout seul tu finiras. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Intéressant les sons de Shadow là. Donc il va y en avoir une sacrée série. Donc super, franchement, super Shadow. La bibliothèque magique de Shadow. Fin de soirée, évidemment, le blind test. Tant attendu, le dernier blind test de la saison. Mais dans l'immédiat, bah, on file les clés à Colo. Colo, c'est à toi. Je crois que tu vas nous faire bader un coup. Ben, je reviens une dernière fois par rapport au col de Deltov. Cette affaire incroyable. Pour rajouter deux, trois petits détails auxquels on n'avait pas parlé, Jean-Mi m'a fait penser l'autre soir à un détail de la tente fermée. Alors, je m'adresse aux gens qui connaissent déjà un peu l'affaire. Hein. Donc, ce détail que Jean-Mi a sorti, je ne sais pas si Jean-Mi est parmi nous là, pour l'instant. Où il me dit que la tente est fermée. Certaines sources disent que la tente a été trouvée fermée, d'autres ne disent pas ça du tout. Quoi. Je lis par rapport au dossier de la police. À l'extrémité gauche de la tente se trouve un trou qui sert d'entrée. Ce trou est formé par deux moitiés non cousues d'un tissu et de l'intérieur, et l'intérieur est crêpé avec un drap blanc. Il parle au final de deux boutons fermés vers le haut, qu'on a retrouvé plus tard quand on a déplacé la tente, mais on ne sait pas si la tente était ouverte et fermée, en fait. Ce qui pose un problème, mais qui peut très bien s'expliquer aussi, c'est que Zoloterov et Thibaut Brignol sont sortis pour un besoin pressant, ils ont vu les lumières dans la nuit, et ils ont fermé la tente pour pas que leurs collègues aient froid. Il y a un petit bruit là, excusez-moi. Merci. Du coup, on ne sait pas si donc c'est les gens à l'intérieur de la tente qui ont fermé eux-mêmes la tente, ou si c'est Thibaut Brignol ou Zoloterov qui ont fermé les tentes. Mais donc, le deuxième problème, si la tente est fermée par la porte normale, la porte classique, la tente a donc été déchirée pour que les gens sortent de la tente. Or, aussi, dans l'affaire, on a tendance à dire qu'il y a un côté de la tente qui a été ouvert, puisque donc, éventuellement, la porte d'entrée était fermée par les boutons. Mais en final, si on lit bien la procédure, la tente a été déchirée des deux côtés. Donc, non pas que du côté de la forêt, mais en fait, des deux côtés. Alors, c'est pas vraiment une réponse parce qu'à ce niveau d'enquête, on peut pas savoir si la tente est fermée ou ouverte quand Zoloterov ou Brignoles sont sortis de la tente. Or, c'est très important à savoir, et on le saura, je pense, jamais. Quoi. Alors, peut-être que ça dit pas grand-chose aux gens qui connaissent pas l'affaire, ou un petit peu, mais je voulais répondre à un truc très précis où, au final, on ne sait pas. C'est l'un des endroits les plus embrouillés de l'affaire. On ne sait pas si la tente est ouverte ou fermée. La version la plus vraisemblable, c'était quand même l'ouverture sur le côté de la tente, si j'ai bien compris l'affaire. Enfin, forcément à l'avant, mais sur le côté, quoi, déchiré sur le côté. C'est ce que j'avais retenu. La tente est déchirée, au final, découpée des deux côtés de la tente. Ok. Ça, on vend l'affaire comme si c'était déchiré ou découpé que d'un côté. Et au final, même sur les photos en fait, de la police, c'est les deux côtés qui sont déchirés, de chaque côté, quoi, en fait, les deux flancs. Alors, ça, c'est vraiment pour les gens qui connaissent l'affaire. Je ne vais pas vous laisser comme ça parce que c'est juste une petite discussion en direct. Mm. Après, le petit doc sonore là, qui va durer une vingtaine de minutes, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur chat et on revient après la petite doc sonore, le petit doc sonore. En ça attendant, marche, j'ai juste répondu très rapidement au fait que la tente, c'est pas sûr qu'elle soit vraiment fermée de l'intérieur. On ne sait pas. Donc, ils avaient peut-être au final trois ouvertures possibles pour sortir de la tente. Et non pas un au départ, où on pense qu'elle n'est que découpée que d'un côté. Quoi. Voilà. Donc, c'est l'un des endroits dans l'enquête qui est un détail je trouve qu'il a son importance, mais effectivement, là, dans les indices, c'est très... on suppose, en fait, mais pas plus que ça. En attendant, si on a fini pour l'instant sur la présentation de cette histoire de tente fermée ou ouverte, si M. Roboto est prêt, on peut partir à l'aventure sur le col de Delta. Sur le flanc nord-est de la colline 880, à environ 50 mètres du Cèdre, dans le ruisseau, nous avons découvert quatre corps, trois hommes et une femme. Le corps de la femme a été identifié comme étant Ludmilla Dubinina. Ils sont enfouis dans 2,50 mètres de neige. Les hommes sont couchés sur la tête, tournés vers le nord et l'aval. Et le corps de la femme est couché vers l'amont. Elle porte une petite calotte, une chemise jaune sans manches, puis une chemise de flanelle, deux pulls, l'un gris, l'autre foncé. Et sur ses jambes sont des jambières et des pantalons de ski bruns. Sur un pied, deux chaussettes de laine. Et sur son pied droit, la moitié d'un pull beige. Je regrette. Oh merde! Quoi que Mike dise maintenant, c'est ma faute. Parce que... j'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Un autre détail qui a son importance. Le 27 janvier 1959, alors qu'il se trouvait sur le 41e site d'exploitation forestière, le groupe Dyatlov a appris quelques mots en Mansi. Zina, Ludmilla et Rustem ont pris des notes similaires dans leur journal. Le premier mot russe qu'ils écrivent sonne comme « je suis une rivière » ou avec le tiret, je suis dans la rivière. Quelque chose qui fait dresser les poils sur la nuque quand on sait où Ludmilla a été retrouvée. laisse aller. Rebrouille-toi. Où sont les gars? Pourquoi il fait si froid? On a dû éteindre le poêle. Habille-toi. Prends tout ce que tu trouves. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dietlov? À l'extérieur. Ne t'inquiète pas. Habille-toi. Dépêche-toi. Arrête de poser toutes ces questions. Habille-toi. On n'en serait peut-être pas là si tu savais tenir ta langue. Mais j'y suis pour rien. J'y suis pour rien si je vois les choses. Qu'est-ce qui se passe? Si j'entends les choses, je peux pas m'empêcher de les dire. Je dis les choses. Je les dis. Et si je me sens libre, personne m'enlèvera ça. Où est-il, Love? Pourquoi est-il sorti? Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Écoute. Ça revient. Ça revient. Ça arrive. Ça arrive. Habillez-vous. Prenez le maximum. Il faut sortir de là. Au plus vite. Je ne me sentais plus capable de rien. Un jour auparavant, scié par ses prémonitions morbides. Pourquoi ces visions? Loudia, prends ça. Découpe la tente. Dépêche-toi. Ça s'approche. Faut bouger. On trouvera un refuge vers la forêt. Allez, allez! Tu es venu me chercher. Est-ce toi qui vas me l'arracher? Cette langue, si bien pendue, qu'elle terrorise tous ceux qui ne veulent pas voir la vérité. Si la mort habite ces bois, qu'elle me montre son faciès. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I I so very special. Yeah, I wish I was special. Ludmila Alexandrovna Dubinina, dit Liuda, était la plus jeune du groupe. Étudiante en quatrième année à l'université UPI en tant que majeure en ingénierie et économie, dès les premiers jours de ses études, elle a pris une part active aux activités du club de sport de l'Institut. Elle adorait chanter et prendre des photos. C'était une bonne photographe. Liuda avait une expérience considérable en alpinisme. Au cours d'une randonnée dans les montagnes du Saillant oriental en 1957, un chasseur qui l'accompagnait lui a tiré dans la jambe. Elle a bravement souffert des deux blessures. Être blessée et devoir rentrer une longue et pénible épreuve, rapportait-elle. En février 1958, Liuda avait un niveau de difficulté 2 pour la randonnée dans le nord de l'Oural. Elle avait 20 ans quand elle est morte. Les notes de journal de Ludmila Dubinina et les particularités de son comportement peu de temps avant et après la visite du groupe Dyatlov dans le village de Vizet peuvent difficilement être expliquées de façon rationnelle, apportant quelque chose d'inquiétant, de mystique à la mort tragique du groupe. Sabine Lichtenfeld, psychologue légiste de Hanovre, Allemagne, rapporte « Bien que je n'exclue pas l'idée que l'humeur de Liuda et pu être influencé par une prémonition subconsciente d'un destin imminent, ce n'est pas ma première argumentation, car ses propres mots semblent impliquer qu'elle savait très bien ce qui la dérangeait, mais elle ne l'a pas précisé pour une raison quelconque. Peut-être parce que c'était quelque chose de banal et d'ordinaire, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé plus tard. L'autre possibilité est que sa mauvaise humeur et quelque chose à voir avec ce qu'elle a pu observer et remarquer. Mais elle a choisi de réfléchir au lieu de l'épeler. Dans ce cas, il pourrait y avoir un lien avec la tragédie. Un signe de toi. Avant de mourir, Lunmina se cache dans le boyau de la tanière. Elle est en prière. Elle en appelle au ciel et aux dieux. Elle ne veut pas mourir. Mais avant de mourir, qu'a-t-elle vu exactement ? Est-elle la dernière ? A-t-elle tout vu de la mort de ses compagnons ? Est-ce que cette chose rentre dans le boyau de la tanière ? Se fixe derrière son cou. Un souffle chaud. Parfaite position. Il a le temps donc de lui gober les yeux comme des œufs. D'entrer à l'intérieur de sa gorge, derrière sa langue, et lui retirer. Lunmila, à ce moment précis, est vivante. Elle ne voit plus, elle ne parle plus, mais elle entend et sent ce souffle sur son cou, peut-être sur sa joue. Embrasse-moi, mon amour. Peut-être que cette chose lui caresse le visage. Lunmila ne peut plus crier, ne peut plus voir, elle ne peut qu'entendre ce souffle sur son cou, sur sa joue. Peut-être que cette chose lui caresse le visage. Lunmila pense à ses parents. Elle les aime. Elle se souvient de son premier baiser. C'était en primaire. Elle avait déjà 12 ans. Elle n'a plus froid. Peut-être que cette chose lui caresse le visage, se souffle sur son cou, sur sa joue, lui caresse le visage. Le nord de l'Oural, la tribu des Mansi. Depuis des siècles et des siècles, les Mansi respectent les esprits. Les esprits dans toutes choses. L'esprit des animaux, des plantes, des roches, de l'eau, des rivières, des arbres, de la forêt. L'esprit des morts. Dans chaque famille, il y a un chaman. Chaque chaman est connecté à des esprits. Ces esprits amis. Ils protègent la famille et combattent les autres esprits dans les querelles de clans. Les chamans doivent honorer ces esprits. Mais il y a aussi d'autres esprits, des esprits territoriaux, au sein de la forêt, sur la montagne, dans les grottes, dans les rivières. Ces esprits ont leur propre logique, leur propre demande. Les chamans les connaissent, les respectent, savent où ils sont. Parmi ces autres esprits, pas tous ne sont amicaux. Certains sont belliqueux, malfaisants ou dangereux. Il faut le savoir, les chamans le savent. Mais au sein du territoire, il y a aussi l'esprit des morts. Ces derniers, après leur décès, sont tout d'abord ligotés, afin qu'ils ne suivent pas les vivants. Quand leurs sépultures sont alors opérationnelles, ils y sont déposés avec tout le rituel nécessaire pour que leurs âmes, dans la période d'attente du départ vers le pays des âmes éternelles, ne puissent pas revenir hanter les vivants. Si la sépulture est profanée ou démolie par inadvertance, alors l'esprit se libère, et personne ne sait ce qu'il advient. Au sein de la forêt, il y a aussi des sanctuaires. Sanctuaires parfois dédiés à des entités malveillantes, à qui il faut faire des offrandes pour empêcher leur courroux. Là aussi, si les lieux sont négligés, démolis ou profanés, alors malheur au coupable, c'est la descente irréversible vers la folie et la mort. Dans la tribu des Mansi, ces choses-là sont sérieuses. Elles sont indissociables de la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle certaines zones sont à éviter. Les chamans le savent, ils connaissent les chemins. Ensuite, il y a les histoires. Pas les légendes ni les contes, les véritables histoires du passé et du présent. L'histoire de familles entières ou de groupes de chasseurs égarés qui s'étant écartés du chemin ou de la piste conseillée par le chaman ont tout à coup été surpris par des bruits assourdissants, des tremblements de la terre, des apparitions terrifiantes et incompréhensibles. Mais ces familles et ces chasseurs ont toujours respecté la règle, ne jamais regarder ou se retourner vers la source des phénomènes, car sinon, la terreur mène à la folie, et dans ces régions-là, la folie engendre inévitablement la mort. Les Mansi le savent, leurs chamans connaissent le processus. Ils connaissent les apparitions. Ils les provoquent parfois eux-mêmes pour combattre d'autres chamans. N'importe quel individu ignorant de ce savoir, face à de tels phénomènes, perdrait instantanément la raison. Car dans ce genre de manifestation, tout ce qui semble être n'est plus, et tout ce qui est semble être autre chose. Les Mansi le savent, leurs chamans sont là pour ça. Certaines zones y sont propices, le portent tout un nom. Les chamans les connaissent, ils déconseillent d'y aller. Dans cette nuit du 1er au 2 février 1959, qu'une tombe ait été profanée au préalable, qu'un lieu de culte n'ait pas été respecté, ou qu'un sentier interdit ait été emprunté, la zone est devenue vivante. La dimension a changé, la chose est apparue, la logique a disparu. Ludmila le sait. Elle le sait depuis plusieurs jours. Elle a reconnu cette peur irrationnelle qui irradie de l'intérieur. Elle redoute d'avoir raison. Elle guette l'événement. Mais c'est trop tard. Bien trop tard. Il est 22h ce soir du 1er février. La zone est devenue vivante. La chose est là. C'est terminé. La logique des humains n'a plus sa place. Ludmila finira à genoux, les mains levées comme pour prier. Sans doute appelait-elle à l'aide en direction de son dieu, mais ce dieu que Ludmila prie n'est pas dans cette zone. Elle en a perdu la langue, elle en a perdu les yeux. Sans doute regardait-elle dans la direction où il ne faut pas voir. La chose a pris leur vie, la zone a pris leurs âmes. Les Mansi le savent, leurs chamans aussi. Aujourd'hui, si personne ne peut dire avec certitude où se trouvent les neuf âmes, la zone, elle, est toujours là. Elle a toujours le même nom, celui que les Mansi lui donnent depuis plusieurs siècles maintenant. Ce nom est simple, n'y allez pas. succède à un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Jean-Mi, alors si oui. On parlait un peu de cette histoire, tu nous parles un peu sur ces chamans qui sont au final un peu dans l'histoire. On en arrive, si on passe par les ovnis et plein d'autres trucs bizarres, on passe à un moment donné aussi sur le chamanisme. Alors, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais si on peut en parler un petit peu, je t'écoute. Ouais, mais c'est sûr que c'est un aspect quand même très important de cette histoire qui est fascinante, hein, parce que je lisais sur des blogs russes, les enquêtes n'ont jamais cessé, et surtout les enquêtes auprès des Mansi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc bizarre qui s'est passé au départ, j'allais dire un truc bizarre, t'imagines bien dans cette affaire, c'est un peu dérisoire de dire ça, parce qu'il y a tout de bizarre, mais les premiers, comment on appelle ça, les premières interviews chez les Mansi, les premiers jours, n'ont rien donné. Et puis le détective en chef, enfin le responsable de l'enquête, est parti à Moscou quelques jours. Et quand il est revenu, selon les témoins, il a complètement changé d'attitude. En fait, il s'est plus intéressé aux Mansi du tout, comme si il y a quelque chose qu'il fallait couvrir, tu vois, ou ne pas ébruiter, dans le sens où ne pas trop faire ébruiter le surnaturel. Mais ce que j'ai trouvé chez les Mansi, c'est assez bizarre par rapport à leur chamanisme, c'est que ce qui n'est pas dit dans l'enquête, c'est que dans cette forêt, il y a pas mal de tombes, et il y a aussi pas mal de sanctuaires, et il y a pas mal d'arbres qui sont aussi considérés comme spéciaux. Parce que chez les Mansi, il y a des sanctuaires dans les forêts pour des esprits assez malveillants, qu'il faut sans cesse ravitailler avec des offrandes. Et il y a des arbres aussi qui peuvent renfermer certains esprits assez malveillants aussi. Donc des arbres qu'il faut qu'il faut aller honorer, ce genre de choses. Ça, c'est un premier truc. En plus de ça, dans la zone, j'apprends qu'il y a plein de chemins, des itinéraires qui sont déconseillés parce qu'ils passent dans des zones telluriques ou vibratoires assez spéciales, et les chamans connaissent ces chemins. Mais ce que j'ai trouvé aussi qui m'a fasciné, c'est que dans l'histoire des Mansi, et ça c'est pas dans les légendes ou dans les contes, c'est dans leur histoire personnelle, plusieurs fois, comme je le dis dans la capsule, il y a des familles et des groupes de chasseurs qui, en s'écartant d'un chemin ou s'écartant de la piste, ont été surpris par des phénomènes extrêmement étranges et terrifiants, des apparitions, des bruits terribles, et se sont enfuis, donc ont tous été pris par une peur interne, tu vois, comme ça peut le faire, se sont enfuis, sauf que, comme je l'ai dit dans la capsule, ils respectaient la règle chez les Mansi, c'était de ne jamais regarder la direction de la source, il n'y a que comme ça que tu pouvais t'en sortir. Et c'est assez spécial quand même, parce qu'ils disent que quand tu ne respectes pas ces sanctuaires, quand tu te trompes de chemin, quand tu atteins ces zones, tu es d'abord pris par la maladie de la folie. Et c'est cette folie qui te fait faire n'importe quoi et qui a causé la mort déjà de plusieurs Mansi, chasseurs, enfants qui s'égaraient, tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment assez spécial comme zone, tu vois. Et alors, voilà. Si je peux me permettre, par rapport à l'endroit où ils ont planté leur tente, c'est vrai qu'on explique qu'ils se sont sûrement trompés de sentier. Mais au final, il y a une deuxième théorie qui explique qu'ils ne se sont pas trompés de sentier. Ils ont essayé de gagner du temps parce que l'arrivée, ce n'était pas au col de Deltov, c'était derrière justement ce col, c'était l'autre montagne, Ortoten. Et c'est Ortoten où c'est un lieu très ancien déjà, où il y a un amas de pierres du sommet qui a été presque, on va dire, modelé par les hommes qui passaient là-bas. Peut-être un endroit sacré, il me semble, oui, pour certaines personnes. Et il semble qu'ils se sont fait prendre de vitesse par la météo qui s'est dégradée, où ils sont arrivés en début d'après-midi du 1er février sur le col. Et c'est là qu'ils ont décidé de planter la tente, parce que sinon c'est encore 2 heures de marche, il fait nuit. Donc au départ, ils doivent juste passer à cet endroit, et donc n'y va pas. ils doivent juste passer et non pas. Est-ce que... Exactement. Ouais. C'est considéré comme un passage malsain. En fait. Le chamanisme peut, par exemple, créer des blessures, comme on a vu, ou arracher les yeux, enfin gober les yeux, arracher la langue, casser des. Alors, des... Y a un truc particulier que j'ai appris. Alors, ça va rien nous amener du tout, mais ça fait encore partie des bizarreries. C'est que tous les corps sont surtout blessés sur le côté droit du corps. Tous. Bon, ça n'amène aucun élément, mais c'est encore une bizarrerie. Et il y a un truc qui est assez troublant, c'est que dans les sacrifices chez les Mansi, tu ne dois pas verser le sang sur la neige, ni sur la terre. Il ne doit pas tomber. Et là, il n'y a pas de sang. À part sur les plaies... des mecs, mais il n'y a pas de sang. Les quatre sont broyés, mais il n'y a pas de sang. Donc, c'est toutes ces coutumes et ces façons de faire, c'est assez spécial. Et il y a un truc particulier qui n'est pas relaté dans l'enquête, je crois, et que le mec raconte, un des éléments, c'est que près du cèdre, alors le cèdre est important, là, celui-là, parce que parfois, quand il y a des entités maléfiques qui sont dans des arbres, c'est souvent dans des cèdres. Et donc, le chercheur se demandait si ce cèdre en particulier n'avait pas un truc spécial. Donc, il en cherchait autour du cèdre. Et je ne sais pas si dans les enquêtes que tu as vues, c'est stipulé, mais on trouve une espèce de ceinture qui fait partie des habits des Mansi, à côté du cèdre. Et la ceinture est enroulée, c'est une ceinture assez large, tu sais, qui prend toute la taille. Et bon, il y a juste une ceinture. Le chercheur dont je parle, qui est ami avec les Mansi, il s'en soucie pas jusqu'au jour où, chez un chaman Mansi, il voit le même genre de ceinture, ceinture qui, où à l'intérieur sont enveloppés des cailloux. Et ce sont des cailloux c'est une pratique chamanique de chez eux, qui sont trouvés dans l'estomac des rennes. Quand un renne est abattu. Et en fait, quand tu trouves des cailloux dans l'estomac d'un renne, tu t'en sers comme pierre chamanique. Et ils sont enroulés dans ce genre de ceinture. Et cette ceinture, on en trouvait une au pied du cèdre, mais ça n'a pas fait vraiment cas dans le compte rendu de l'enquête. C'est, il y a toutes sortes de choses. Alors, ce dont ils sont sûrs maintenant, tous ces gens qui travaillent encore avec les Mansi aujourd'hui, c'est que la tribu des Mansi sait exactement ce qui s'est passé. Ne sont pas coupables, mais savent exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est possible que les chamans soient passés après, et vu les cadavres, et que ce soit une sorte de rituel de déposer un truc à côté des... Alors, tu fais bien de poser cette question, parce qu'il y a un problème qui se pose aussi dans l'enquête avec les Mansi, c'est que, d'ailleurs ça me fait rebondir sur un truc rapidement, c'est que bon, ce sont des chasseurs, ils sont toujours dans le coin, ils connaissent tous les coins, tous les arbres, c'est quand même le diable, c'est le cas de le dire, si dès le lendemain, ils n'ont pas eux-mêmes découvert les corps. Ça me fait rebondir, ça va corroborer ce que je suis en train de dire, sur une bizarrerie de l'histoire, c'est que traditionnellement, absolument toutes les expéditions qui passent dans l'Oural, tous les gens écrivent toujours un carnet de route, et dans le carnet de route de toutes les expéditions précédentes, les gens stipulent qu'ils ont rencontré des Mansi, qu'ils ont été super bien accueillis, parce que c'est traditionnel, les Mansi viennent vers toi, t'accueillent, t'aident, te conseillent. Et surtout, les Mansi, tu les rencontres tout le temps, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des chasseurs qui sont toujours en vadrouille dans ces zones. Donc, quand toi, tu en vois un, c'est qu'il t'a vu déjà depuis des jours. Donc, les Mansi ne peuvent pas te rater. Et tous les anciens explorateurs, les anciennes expéditions stipulent dans leur carnet les discussions qu'ils ont eues avec les Mansi qu'ils ont rencontrés. Pour Dyatlov, il n'y en a pas. Personne ne stipule des rencontres chez les Mansi, tout ça. Alors, l'enquêteur se demandait si certaines pages des journaux intimes des gens de Dyatlov n'avaient pas été arrachées. Le problème, c'est que, on est, comme on a dit l'autre fois, on est dans un régime communiste, et le régime communiste, il doit montrer à la population qu'il contrôle et qu'il maîtrise absolument tout. Alors, t'imagines bien que face à quelque chose d'assez inexplicable, c'est certainement pas ça qui va être mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est ça. C'est une théorie que ça n'est pas, enfin que les pages aient été arrachées, ou tout simplement qu'ils aient, que leur plus grand malheur, c'est de ne pas les avoir croisés, tout simplement quoi. Peut-être. C'est pour ça qu'on dirait que ce jour-là, à cet endroit-là, c'est littéralement le mauvais moment au mauvais endroit, tu vois, c'est vraiment, on dirait que toutes les conditions... Et que les autres n'y étaient pas en connaissance de cause, quoi. Absolument, il y a vraiment des circonstances particulières à ce jour-là et à cet endroit, parce que, enfin, voilà, c'est... Je crois qu'on n'en a pas fini avec cette enquête. Non, absolument pas. N'est-ce pas, Colo ? Alors, j'entends quelqu'un ricaner au fond de la pièce, mais je reconnais pas sa voix, il me semble que ce serait pas sous. Jeanne. Si. Salut Jeanne. Moi, mais je pensais avoir coupé mon micro en fait. Mais il n'y a pas de souci. Bienvenue Jeanne. C'est pour ça que je voulais pas monter. Coucou, Jeanne. Parce que. Salut, salut. Je sais jamais où je suis. Alors. Voilà, tu y es. Oui. T'es à la radio. Voilà. T'es à la radio. Mais voilà. C'est... Merci Kiev. C'est au plus mauvais moment que tu m'amènes Jeanne. Tu vois. Mais c'est parfait. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, alors, non mais juste à propos de la force du chaman, par exemple, sur les blessures, donc tu me dis que c'est possible, enfin c'est pas trop, et par rapport aussi à cette lumière, cette sphère lumineuse qui a été au-dessus de cette tente, est-ce que le chamanisme peut créer des choses comme ça en fait pour, est-ce alors, que l'humain peut le voir ouais. Parce que attends, je me permets, ouais. Parce que j'ai l'impression que le chamanisme, c'est plus quelque chose que tu dois ressentir en toi, que tu vas voir toi-même. Quelque part, le diable peut se transformer en... Enfin, la chose peut rentrer dans quelqu'un, c'est le posséder, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus intime. Là, beaucoup de gens l'ont vu, cette sphère. Oui, mais justement, là, j'ai quelque chose de... Bon, après, je détiens pas la vérité, mais je te dis simplement, d'après les articles des chercheurs russes des dernières années, là, que j'ai vu, j'ai quelque chose à te dire qui est pas vraiment glamour par rapport à ces lumières. Mais les enquêteurs russes dont je te parle de ces dernières années, ragent contre le fait que les réseaux sociaux ne reprennent pas ce qui a été admis quelques années plus tard et qu'on sait maintenant avec les documents, c'est que ces traces lumineuses dans le ciel étaient des essais de missiles balistiques de l'autre côté, qui ont été reconnus par l'armée. Non. Je te dis ce que dit l'enquêteur russe. Moi, je te dis pas c'est vrai ou pas vrai. Je te dis ce que dit l'enquêteur russe. C'est des missiles balistiques qui étaient à l'essai. Alors, pour finir sur l'armée, qu'on ne se pose plus de questions sur les militaires ou pas les militaires. Les Mansi le disent et toutes les archives le disent. Il n'y a jamais eu de base militaire de ce côté-là jusque dans les années 70. Donc c'est pour la question. Rentrer sur le sujet militaire, sur ce sujet par exemple, ils étaient là, ouais. Ils n'étaient pas là, ils ont fait des essais. En fait, on ne pourra jamais vraiment savoir. Ils vont déclassifier ce qu'ils ont envie. Mais d'après, en fait, les recherches amateurs, il n'y a aucune preuve, en fait, qu'il y ait eu quoi que ce soit et qu'il y a eu des essais qui se sont mal... Parce que, tu vois, après, ça amène à un autre problème, quoi. Ils se sont bien fichés, du coup. C'est qu'il y avait des essais balistiques, mais bien plus loin, rien à voir avec la région. À des altitudes monstrueuses, tu vois. C'est ce que ça est. Maintenant, plutôt pour répondre à ta question par rapport à la lumière, dans ce que je lis sur le chamanisme des Mansi ou leur façon de faire, les apparitions sont toujours incompréhensibles et terrifiantes pour le novice, mais le chaman les voit, les provoque et les interprète d'une autre manière. Donc, ce qui peut apparaître comme une boule lumineuse menaçante et terrifiante n'est qu'un détail pour lui. Par contre, toi, moi, nous le voyons à travers la tente. Mais c'est surtout que ça... C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que une possession, quelque chose qu'ils possèdent, peuvent posséder 9 personnes en même temps et leur faire faire des choses bizarres, les faire sortir de la tente, justement. Mais par contre... arriver dans la forêt, avoir une idée de survie incroyable, une force incroyable. Donc, en même temps, ils sont possédés, en même temps, ils ne le sont pas. Oui. Tu comprends enfin, la possession, faut faire attention aux mots, parce que la possession, tu sais, on a tous vu des films, hein, comme L'Exorciste, tout ça et tout. Donc, quand on dit possession, on voit ce genre de choses. Mais ce qui stipule bien chez les Mansi, c'est que ce que provoque le chaman, et ou alors le mauvais endroit ou les mauvais esprits, c'est la folie. La folie, c'est-à-dire incohérence totale de tes actes qui te rendent fou et qui t'emmènent dans une situation où tu vas mourir. Oui, mais justement, ils sont pas si fous que ça dans leur survie. C'est là où tu vois, il y aura toujours un problème dans cette affaire. Et oui, ça c'est la chose qui m'intrigue le plus. Mais si tu réfléchis bien, en étant terre à terre, colonel, une fois qu'ils sont assez fous pour se retrouver un kilomètre plus loin à pieds nus et à moitié à poil, ils sont foutus. Non, c'est-à-dire que dans le boyau, par exemple, dans la tanière, ils ne sont pas à poil. Ils ont quand même eu le temps et la réflexion de fabriquer une tanière, de la creuser. Les deux du cèdre, ils vont faire un feu, ils vont couper du bois. Les trois autres, en direction de la tente, ils vont se rhabiller. Ils sont tous cohérents. Enfin, absolument. L'incohérence, c'est pourquoi ils se sont séparés, effectivement. Mais au final, voilà ce qui bloque dans l'idée du chamanisme aussi un peu, même si une partie me fait penser à ça. C'est que, à moins qu'ils ont eu des moments de répit, sans trop savoir où ils sont, et qu'ils ont décidé de survivre... Ça me paraît quand même. Et c'est là qu'intervient la chose. Qui sont en possession. C'est là qu'intervient la chose. Parce que le chaman, c'est une chose. Les esprits malveillants qu'il y a dans cette forêt, c'est autre chose. On est encore dans un autre monde, là. Oui, oui. Alors, je vais finir avec une dernière éventualité qui vient de chez les Mansi. Ça fera sourire tout le monde, mais c'est une éventualité. Et c'est une éventualité qui est assez... Enfin, je veux dire qu'on est obligé... Enfin, c'est pas qu'on la prend en considération, c'est qu'il y a un détail qui nous y fait penser, c'est que Dyatlov a des marques de bagarre et les cages thoraciques sont défoncées comme s'ils avaient été projetés. Et donc, dans la démonologie des Mansi, au fin fond de ces forêts, qui sont parfois inexplorées, il y a ce qu'on appelle les Menk, selon eux. Alors, un Menk, ça fait 3 mètres de haut, c'est plein de poils, c'est ce que nous, on appelle le Yeti. Voilà. Et là, voilà. Et eux, il y a une version des Mansi qui parle aussi des Menk. Voilà. Et là. Alors, c'est vrai que c'est complètement délirant. Voilà, c'est complètement délirant pour nous. Mais alors, c'est vrai que tu pourrais partir sur une hypothèse comme ça quand tu vois que Dyatlov s'est battu, mais s'est éclaté les poings, et que tout le monde s'est fait, que les 4 autres se sont fait éclater la cage thoracique. Donc c'est, On ne parle pas de Alain Mink, nous précise M. Roboto. C'est pas Alain Mink, c'est les Mink. C'est le Bigfoot, c'est le Yeti. C'est vrai que les sur tous les continents, il y a une légende comme ça. Ouais. Toutes les personnes sont presque assez marquées du côté droit. Celle qui est la moins touchée, c'est Zina, celle qui est à 300 mètres de la tente, qui retourne a priori en direction de la tente. Elle a juste reçu un coup, pour ainsi dire, dans les lombaires. Ça va lui faire une trace d'une 20-25 cm. Et tous les autres se sont presque battus, sauf les deux du cyprès. Ouais. Mais ils ont presque les mêmes blessures, mais pas tout à fait. Dyatlov, il meurt pas de ses blessures, il meurt de froid. Ouais. C'est comme s'il s'était battu avec un homme. Il a que des blessures de une bagarre quoi, entre hommes. Les autres, c'est plus problématique. Les 4 de la tanière et la dernière, le Mina, justement, où on en a parlé ce soir, avec cette idée qui nous est apparue au bout d'un moment, c'est qu'au final, si on a retrouvé du sang dans son estomac, c'est qu'elle était vivante au moment où on lui a arraché la langue et on lui a enlevé ses yeux. Reste qu'elle était vivante et qu'effectivement, elle devait entendre. Absolument. Et était-ce la dernière des personnes à avoir vu tous les autres mourir? C'est une possibilité, quoi. Ouais. C'est vrai que vu sa position, on peut penser que c'est celle qui a été protégée le plus longtemps par les autres. Histoire terrible. Un petit détail quand même, c'est que elle a une paire de chaussures et deux. Enfin, elle a juste une chaussure. Et à gauche, je crois qu'elle a un pull autour d'elle, autour de son pied, pardon. Alors que les autres hommes ont des bottes, mais ils vont pas lui passer leurs bottes. Ils vont garder leurs bottes. À ce moment-là, il la protège, mais elle n'a pas les bottes des hommes, en fait. Et voilà. Après, pour bon, ça, je veux dire, on pourrait y passer la nuit, mais on peut quand même, quand tu prends du recul, conclure quelque chose, c'est que d'accord, il meurt de froid, mais toutes les blessures qu'ils ont ne correspondent pas. Bon, je parle pas de la force qu'il faut pour défoncer la cage thoraxique de quelqu'un. Un humain, c'est impossible, il n'y en a aucun. Mais passons les cages thoraciques et regardons tout le reste. Tout le style de blessure ne sont pas des blessures normales que tu obtiens dans une bagarre générale. Ce ne sont pas des blessures d'un coup de poing dans la tronche, d'un coup de tête, d'un coup de pied. Tu vois ce que je veux dire? C'est une chose bizarre. Sur ce genre d'affaires, comme tu le dis souvent, Colin, on est là plus pour raconter une histoire, parce que aboutir à une conclusion, t'as forcément un élément de l'affaire où finalement tu peux pas avoir une conclusion ferme et définitive. Il y a toujours un élément qui revient, qui peut te ramener sur une thèse ou sur l'autre. Grosso modo, il y a 3 thèses à peu près, 3-4 thèses qui se... Moi, personnellement, j'opterais plus sur la théorie d'une partie du groupe qui devient fou et l'autre partie qui essaie de survivre. D'autres diront non, c'est pas possible parce que la théorie de l'armée, il y a la magie, on va dire, le fight tellurique ou des choses comme ça, et puis la bestiole. Bon. Ouais, mais... Et si c'était les quatre en même temps Non, non, mais bon. Non, mais pour conclure, tu as raison. Je veux dire, ce genre d'histoire, ce qu'il faut faire, c'est très bien la connaître pour prendre un postulat et bien le raconter. Maintenant, tu imagines bien que 70 ans d'enquête ne vont pas être résolus sur Radio One Shot ce soir. Non, mais par contre, il y a de quoi faire. Il y a du matériel. Il y a de quoi faire. Ouais, alors, de toute manière, c'était juste un petit rappel de la saison où il y a une chose qui m'a marqué, moi, c'était le col de Deltov. Gary Mathias, on en parlera une prochaine fois peut-être. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais à la rentrée, je vais essayer... on est plusieurs personnes, mais on va essayer de faire un truc plus conséquent sur d'autres affaires. Donc, mais le col reste quand même pour moi un truc où je vais y revenir souvent. Sur la radio, c'était bien de le faire au moins une fois sur la radio. Quoi. En fait, donc, voilà. On vous jette là subrepticement des indices sur la radio, on vous jette des indices un peu aussi un peu fait sur YouTube. Voilà, il y a quelque chose de plus vaste et de beaucoup plus excitant qui est en train de se créer là progressivement et beaucoup plus riche aussi. Voilà. Mais cette histoire là, le col de Deltov, c'est une très belle. C'est un très bon exemple de toutes ces histoires là qu'on peut commencer à recouper. Enfin, on va se marrer quoi. En fait. L'histoire, si je peux aussi aller rapidement là-dessus sur une minute. Là. Dommage que on parle peu de l'affaire Gary Mathias aussi, parce que j'avoue que en termes d'histoire étrange, celle-ci, elle est vraiment aussi incompréhensible. Et dans les détails, et y a des témoins qui apparaissent à un moment, ils sont là, enfin tu te demandes ce qu'ils foutent là. Il y a un secret là-dedans qui est bien plus présent que dans le col de Deltov. Tu vois, le col de Deltov, c'est vraiment quelque chose de mystère, quoi. C'est un mystère total. Et dans l'affaire Gary Mathias, il y a un non-dit. Il y a quelque chose comme, qui ressemble à un non-dit. Quelque chose de diabolique aussi. J'ai été vraiment impressionné de tomber sur le forum où j'ai lu cette personne qui faisait partie de la famille d'un des disparus. Et elle a attendu la mort de la maman d'un des disparus pour régler des comptes et expliquer des choses qui étaient proches du sacrifice humain. Quoi. Ouais. Quelque chose de... Et qui était non dit aussi, une nouvelle fois. Et sur un terrain de la Californie du Nord, qui, ma foi, ressemble à, je veux dire, au mètre carré, c'est là où il y a le plus de serial killers avec la Floride. Quoi. Voilà. Surtout à une époque des années 60 jusqu'aux années 90, le périmètre est petit, mais c'est très, très concentré. C'est un beau programme pour la rentrée, ça. Voilà, ouais, par exemple. Oui, la Californie du Nord, là, avec tout ça. La Californie du Nord, oui, justement. Ouais. Et avec cette affaire de Gary Mathias, c'est vrai que en élargissant... Avec les faits divers, on peut raconter... C'est plus que des faits divers. Des faits divers, au final... Non, on peut raconter... voilà, on peut partir sur... Mais là, c'est des mystères qui peuvent dépasser en fait, l'humain. Le Gary Mathias, c'est quelque chose de presque... de noir, de très très, je vais pas dire le diable et tout ça, il y a quelque chose de très très noir, beaucoup plus qu'une enquête policière justement. Ouais, absolument. Et vraiment. C'est un univers. Oui, c'est sûr. Et pour conclure sur le col de Diatlov, pour les auditeurs, voilà, si tout se passe bien, que tout fonctionne bien avec la radio, d'ici l'année prochaine, on organisera un voyage en tirant au sort et il faut qu'on soit neuf. Voilà. Financé par Tipeee. Que les bons. On choisit que les bons. Ouais. Que les bons, et puis on va faire la randonnée nous-mêmes. Voilà, oui, on fait une on essayera de faire un live de là-bas. On fera des soirées blind test là-bas. Le dernier qui s'en sort fait un live. C'est ça. Je suis Radio One Shot. Déjà, je fais gagner. Écoute. C'est sûr que je fais gagner Mamar et 2-3, quoi. Ils ont gagné. Ah, venez. Oui, c'est sûr, ouais. C'est par là. C'est où? Oui, c'est là. Par là. C'était qui le serial killer qui prenait deux billets pour l'aller et seulement un retour? Tu sais qui assassinait? Ah bah, c'était Landru. Landru. C'était Landru. Landru, c'est fabuleux ça. C'est comme et ça qu'il s'est fait choper. Oui, oui, il prenait toujours. il prenait qu'un seul aller-retour. Ouais, le mec, non, il était pas con, quoi. Des petites vacances à Diatlov, voilà. Hein. Oui, ou alors. Ouais, pourquoi il y a marqué n'y allez pas sur le panneau? C'est pas grave. Même pas peur. Viens, ma Marciu, moi. C'est tout droit. Je te rejoins. Radio One Shot. Un hôtel à acheter. Pas cher. Enfin, voilà. Bon, on est bon. Voilà. En tout cas, je crois qu'on est bon. On peut envoyer la suite. On est bon. Et se retrouver pour le blind test. Alors, pour la suite, mais il me semble que. Mais il me semble que. Qu'on attaque directement sur blind test, si je dis pas de bêtises. Ah, Monsieur Roboto doit aller aux toilettes. Petite musique. Ah. Ce qu'on peut faire, c'est. Une petite musique. Tu as un robot qui pisse, toi. Ouais, c'est ça. Bizarre. Il a même appris à pisser à son robot. C'est ça, c'est l'être humain augmenté. Ah bah, il fait la vidange. ok, bon bah, Monsieur Roboto va pisser. J'espère que vos doux s'est ressaisi entre temps, voilà. Parce que là, quand même, sinon. Rapprochez-vous de votre clavier. Le blind test arrive à toute vitesse. On va vous balancer une petite musique. Et bah voilà, écoutez, je pense qu'on peut y aller comme ça. Hein. Ouais, Delphine, et pour le blind test, appuyez sur F5. Comme ça, vous serez vraiment. La page sera actualisée parce que sinon. Vous allez avoir des réponses avant même que vous ayez entendu la musique. Sinon, vous allez chialer encore. Voilà. Ouais, tout à fait. Rafraîchissez la page régulièrement. Voilà. En tout cas, on est bien content de pouvoir... Magnéto. Tout à fait. Go. Toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmène, les étoiles trouvent la lune en secret. Viens, je t'emmène, le soleil le soir va se reposer. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé. Alors, c'est l'heure du blind test. J'espère que tout le monde est prêt. Monsieur Roboto, is back. Alors, monsieur Roboto, quel âge tu as maintenant? Depuis que t'as pissé. Est-ce qu'il te traite bien, alors, Daniel, à la maison? Oui, oui. De toute façon, Daniel m'a dit qu'un vrai homme a toujours 16 ans. Bon, ça va. Je vais avoir 16 ans, il était vert. Fort comme un homme. On est bon. Alors, donc, on a toujours notre arbitre louche, même dans le chat. Hein, il trouve que l'arbitrage est vraiment très louche. C'est qu'il y a beaucoup de réclamations actuellement par rapport au blind test. Maître Capécolo. C'est à vous. Bonsoir, maître. Il y a un problème ? Bonsoir, maître. Ça jacte ? Ah, je préfère. Bonsoir. Non, mais pas mes du respects. Tout. Bon, alors, quel est le problème ? Il y a une rébellion ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais je... Moi, je... Voilà. Vous savez que j'ai la moustache comme Saddam, moi ? Je rigole pas, hein. Moustache Ray-Ban. Bon, faut qu'on en finisse. Ray-Ban. Ne l'énervez pas, alors, sinon il va enlever ses Ray-Ban. Non, allez, vous m'avez gonflé. Si, c'est, si voilà. C'est Capécolo, alors toi, c'est Léon Kiev. Ah bon, ouais, c'est... Léon Trotskiev. Léon Trotskiev. Ça se va bien. Bon, c'est quoi les règles ce soir? Faut trouver quoi, en fait? Voilà, le titre ou... Les règles. Bon, les règles, déjà, c'est que... Bon, c'est nos règles, c'est nos propres règles, déjà. Que nous avons établi et que... Alors, Kiev, règle numéro 1. Oui. Vas-y, je t'en prie. Règle alors, numéro 1. Je vous rappelle la règle numéro 1, c'est que Kiev ne peut pas gagner à ce jeu. C'est voilà, la règle numéro 1. Tant que, voilà, tant que l'arbitre est vivant. Et sur cette terre. Et même au-delà. Vivant. Et même une fois vivant, aimons-nous vivre. Disait l'autre. Donc voilà, ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, ça peut changer. C'est, voilà, la règle numéro 2, c'est que ça peut changer. Donc vous avez ces deux règles. Non, on va avancer, voilà. C'est pas grave. Alors, est-ce que Monsieur Roboto est prêt? Mais c'est Kiev qui va être le maître de cérémonie. Est-ce que tout est prêt? Alors, Monsieur Roboto, est-ce que vous allez nous présenter? Alors, quelle est la thématique? Alors, ce soir, on va chercher les génériques d'émissions télévisuelles et on recherche le nom de l'émission. Donc, je répète, générique d'émissions télévisuelles et on recherche le nom de l'émission. Le nom de l'émission. On m'a dit qu'au Vaudou, voilà. C'était mis à torse nu, hein. Ouais, bah ça, c'est... Donc la GameFly, c'était la semaine dernière, Vaudou. Hein. Alors... On vous rappelle les consignes de sécurité. Le nom de l'émission. Rapprocher la tête le plus proche de l'écran. Mm-hmm. Et oui. Jean-Michel, sans oublier qu'il faut être debout. Et si possible, le ventilateur éteint en cette période caniculaire. Mm-hmm. Ça permet de mieux faire communiquer la réponse et ça arrive beaucoup plus vite sur le chat. Comme ça, plutôt que de vous plaindre, faites ce qu'on vous conseille et ça ira mieux, quoi. Donc Voodoo a écrit 7 sur 7 en avance. Non, alors Voodoo, tu vois, c'est pas volant. C'est son côté DSK. Anne Sinclair. Alors, Moi, j'ai envie de dire, Monsieur Roboto, tour de chauffe. On y va, c'est parti. Alors, encore une précision. Ah. C'est la dernière de la saison. Donc là, ce sera le gagnant de la saison. Et pour la prochaine, on mettra les compteurs à zéro. Donc là, il y a vraiment un trophée à prendre. Eh oui. En plus, vous voyez, j'apprends bien ça sûr. En même temps que vous. Bien sûr. Donc là, va falloir être. Et là, c'est le choc. Ouais, je comprends. Ouais. Et que les bons sont dans les starting blocks. Est-ce que je dois rappeler d'ailleurs le classement ou pas? Non, ne le dis pas. Ne leur dis pas. Non, en fait, on fera un point. On fera un point à 4 heures du mat. Dans le désordre. Parce qu'en fait, ma feuille, c'est tout un brouillon. Alors, qui est le quatrième? Qui est le quatrième? Alors, moi, de tête, il me semblait que c'était Delphine, la première. Avec 8 points. Mais ça, c'était avant. Bon, Monsieur Roboto, écoutez, s'il n'y a pas d'autres règles qui ont été ajoutées, s'il n'y a pas eu d'autres. Ça, c'était avant. S'il n'y a pas eu d'autres mises à jour, je pense qu'on peut, démarrer le jeu et on est content. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là là là là. Ça va être dur. Hein. C'est pour les romantiques. Voudou s'éparpille hein, quand même. Ah, Voudou, il est décevant. Voudou. Facile pour Rui Costa. Ah, Rui Costa qui vient de prendre la tête de ce soir. Rui Costa. Suivi de Sylvie, de Ed Voodoo et de Siané, mais. Non, c'est Rui Costa. Un point de plus. Ouais. Bon, moi, il n'y a pas. Donc, Rui Costa, tu avais 4 points. Ah. Et non, tu étais à quel plat? J'avais 3 points. Non. Il y avait 3 points plus 1, ça fait 4. 4 points. Ah, ouais, t'étais pas froufrou, non, Grégor. Oh, Grégor, faut. C'est bien, bravo, Rui Costa. Bravo. 4 points. Formidable. T'es dans le peloton, mec. Faut te battre, mais c'est bien. Bravo. C'est bon. Extrait numéro 2. Allons-y, Monsieur Roboto. Oh si, c'est bon, je l'ai. Ah oui. Oh là là, oui, je l'ai. C'est pour les anciens, ça. C'est pour Grégor. Ah, c'est pour Grégor. Grégor qui vient de marquer un point. Qui vient de dépasser Voodoo de 1 seconde et demie. Et qui vient de prendre un point, et donc il y a 4 points. Voodoo, c'est qui bien. Qui rejoint Rui Costa. Je sens que tu es de nouveau dans une phase ascendante. Ça paye toujours. Impeccable, Grégor. Bon, Grégor, toi, je pense que tu es dans le top 3, Grégor. Donc, un point pour Grégor. Ah. Ah. Alors, Delphine Labonas nous dit qu'elle ne joue plus. Que se passe-t-il? Une blessure dans le peloton? Vous avez besoin d'un soin, Delphine? Tu as besoin d'un point en plus? Y a-t-il une dépression? Ou est-ce qu'elle a subi des pressions aussi de la part de concurrents? Eh oui, des pressions de Voodoo. Voodoo, ce serait toujours Voodoo, de toute manière. Donc, Voodoo, est-ce que tu as foutu la pression à Delphine? Voodoo. Bon, Delphine ne nous le dira pas. Ah, Grégor nous dit j'ai 8 points. Non, tu sais, Grégor, il a 4 points. C'est pas toi qui compte. Ah non. Il me semble qu'il a. Non, il a 4 points. Non, on ne triche pas, Delphine. Attends, Delphine, Tu as 5 points, tu es très bien. Hein. Je proposerais de délocaliser ce jeu et de l'attribuer au Qatar. Directement. Le 18 août. Ok, Voodoo. Alors, je voulais dire un truc, oui, parce que je connais pas forcément tous les génériques d'émissions de télé. Donc, Monsieur Roboto, comme tu as les noms, est-ce que tu peux nous indiquer quand, dans le chat, la bonne réponse apparaît? Parce que j'ai peur d'être surpris. Quand je baisse le son, c'est que la réponse a été donnée. Ça marche. C'est parfait. Eh bien, impeccable comme ça, ben, Monsieur Roboto, vous pouvez envoyer le troisième extrait. Tenez-vous prêt sur les claviers, hein. Faites un rafraîchissement de page. F5 avant d'écrire. Vaudou a dit enculé, mais je pense pas que ce soit la réponse. Pour l'instant, ils se disputent. Ouais, voilà, vous perdez du temps. Ah. Sylvie Fekina. Ah, Sylvie. Non, je suis pas d'accord. Non. La bonne réponse, c'est le journal de 20h. C'est pas tu mets le nom d'une chaîne, vous rigolez ou quoi? Non, mesdames, messieurs. Le journal de 20h, mais il y en a d'autres des journaux sur d'autres chaînes. Oui. Il avait qu'à mettre le journal de 20h de TF1. Dans ces cas-là, pour l'instant, on n'a toujours pas la bonne réponse. Ouais, 20h, non. Celui qui a dit TF1, celui qui a dit journal de 20h, tu leur donnes les chacun. Oui, d'accord. Je leur donne le journal de 20h. Mais ça ferait que Voodoo, qui est troisième avec TF1, n'aura rien. Ah merde. Voodoo. Bon, écoutez, on annule ce point. Ça peut pas aller, ça. Ça peut pas aller. Okay. C'est... La vraie réponse, c'est ce journal de 20h de TF1. C'est vrai que c'est long. TF1. Oui, mais moi j'ai déjà beaucoup. Ben, zéro à tout le monde, alors. Zéro à tout le monde. On annule ce point. Est-ce que je pourrais avoir un point, monsieur l'arbitre? Non. Merde. Monsieur Roboto, vous pouvez envoyer l'extrait suivant, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On en a parlé en plus. Ah, c'est peut-être pas... Vas-y. Oh putain, d'accord. Oh là là là là là là. C'est vrai, j'étais sûr au début, puis j'ai eu un doute. Oh là, là c'est sans appel, c'est Ketchar. Ah, Ketcha. Ouais. Ketcha, là, qui arrive et qui remonte. Ketcha, qui avait 2 points plus 1, ça fait 3 points. C'est bien, Ketcha, c'est bien. Franchement, c'est costaud. Oh. Ketcha, ça marque régulièrement. Toujours là, quand il faut. Avec Grégor. Des Ketcha. Alors, n'oubliez pas de rafraîchir la page régulièrement pour avoir le son vraiment au top. Je peux donner un point à Sylvie parce que c'est la deuxième fois qu'elle est dans le peloton et elle mérite. Parce que je l'aime bien aussi. Donc voilà, c'est faut être un point pour Sylvie. Il faut être un homme, hein, bien sûr. Non, mais j'allais dire, c'est pas très surhomme. Arsenio serait content. Voilà. Pardon. Oui, mais voilà. Non, mais Sylvie, un point, pourquoi pas. Et oui, bien sûr. D'ailleurs, je salue au passage Lily Rose. Je crois qu'il... Oui, moi aussi, je salue Lily Rose. Qui n'entend rien, donc en même temps, elle n'entendra pas notre salut. Alors, Monsieur Roboto, allez-y, vous pouvez. Oh putain, c'est quoi ça? Peut-être la remontada. Ah ouais, c'est bien. Alors. Non, je crois pas. la la la. C'est Mono qui a raison. Tu m'as dit. Non. Je ne l'ai pas trouvé, on l'écoute en boucle. Il y a un morceau de la soirée. Il court, écoutez. Oh, bande de nage. On va chialer là. Oh, là tu vois pas. Ah, il y a force. Ah, voilà. On a un qui a utilisé sa femme. C'est pas une femme, mon beau. C'est pas une femme, il y en a. Non. Non. Non, non, nul, zéro. Oh, j'étais sûr que c'était une femme. Oh, vous m'avez déçu. Merde, du coup. Vous voulez un indice, peut-être. C'était le juste prix, non? Il faut remettre le morceau. Hein. C'était le juste prix. C'était le juste prix. est-ce que je suis. Monsieur l'arbitre. Dans des circonstances oui. Comme ça, j'ai quand même droit à un point. Mais non. Mais non. Mais un demi-point peut-être, et encore. Bon, ça me fait au moins 14,5. Ouais. Je mais non, mais. Le journal comment du hard. C'est possible que vous n'ayez pas trouvé ça, mes amis. Bah ouais, mais le juste prix. Bah oui, c'est le juste prix, justement. Non, Grégor, ça marche pas. Faut pas. Allô ? Monsieur Roboto, next. Arsenio. C'est les débats. Agent ST. Ça, voilà. Taisez-vous. Taisez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Propre, propre, ketchup. Propre, ketchup, ketchup, toujours là. Magnifique. Ah non, c'est elle se retrouve avec 4 points. Apostrophe, Rui Costa, non. Grégoire. 4 points. Il y a un sacré peloton, là. Hein. Grisou, 4 points. Delphine Labonas, 5 points. Ah, c'est bien, ketchup, tu remontes, là. Puis après, derrière, c'est un peu dur, hein. Il y a Rui quand même qui a 4 points aussi, mais là il faiblit Rui hein, tout à l'heure. Non, non, non, non, non, rafraîchissez, rafraîchissez. Ok. Réfléchissez, rafraîchissez. Bah écoutez, on. Du jazz. Delphine avec du jazz. C'était du saxo. C'est du jazz. Bon, je pense qu'on peut, on peut enchaîner. Non, Grisou, tu. On peut enchaîner, on enchaîne, on enchaîne. Voici venu le temps des rires et des chants. C'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux. Des enfants heureux, des monstres gentils, oui, c'est un paradis. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour que. Oh, je crois que c'est le grand retour de Voodoo, là. Ah, Voodoo, alors là, d'un coup, ça a été implacable. Ça y est. Il doit être super énervé sur le clavier. Le travail paye. Quoique... Bravo. Tu reviens de loin. Tu reviens de loin. Il manque l'apostrophe entre le L et le I. Je propose de ne pas lui attribuer le point. Oh, c'est vrai. Remarque, c'est pas la peine de... Lilo gosse. Non, puisque c'est ça, je donne un point à Ketcha et je donne un point à tout le monde qui a noté l'île aux enfants. Mais non. Faut ou pas. Non. Ah bah si. Mais si. Mais Voodoo reste toujours devant. Ah. Il mérite. Mais bien donne sûr. Au moins 2 points. Donc, et un point pour ceux qui l'ont. Qui l'ont non. Enculé. Mais je commence. Non. Je fais ce que je veux. D'accord. Donc. Maître. D'accord. Il y a pas. Alors. Ouais. Non, 18. 5 points pour Ketcha. D'accord. Et je le fais bien, là, c'est consensueux. C'est... Oui. Je n'arrive plus à dire du tout. Cinq points pour Katia, les gars. Voilà. Et puis. Et puis c'est tout. Donc il y a que Katia. En résumé, dans le classement. Tu m'emmerdes, là. Il y a Katia. Et puis c'est tout. Non, Jésus, tu n'as pas 8 points. Tu n'as jamais, moi, de mon vivant, tu n'as jamais eu 8 points. Delphine est en deuxième position. Oui, 6 points. Ouais. Je serais lanceur d'alerte pour bon, toi, Grézou. J'étais à l'intérieur de la structure. J'ai vu passer des dossiers. Moi, je sais que tu as vu. Alors, c'était l'huile aux enfants, comme dirait Rui Costa. L'huile aux enfants, parfait. Alors, pour la prochaine, concentrez-vous. Je pense que ça va aller assez vite. Monsieur Roboto, action. Là, il ne faut pas réfléchir. Bah, tout simplement, voilà, ça déroule. C'est Vaudou ? Bien sûr que c'est Vaudou. Ah ouais, Vaudou. Vaudou is back. Vaudou. Vaudou is back, 9 points. 9 points, Vaudou. Impeccable. Et en même temps, derrière, ils ont tous mis Motus. Oui, mais non. Oh, allez, je donne un point à tout le monde. Allez, si, c'est mérité. Non, ah. Allez. 7 points pour... Alors, Delphine un point de plus, ça fait 7 points. Grisou, 5 points. Ketcha, 6 points. Ah, donc elle est à égalité avec Delphine. Hein. Et Rui Costa. Ah non, Rui Costa aussi, 6 points. Ouh là là. Voilà, impressionnant. Impressionnant. Très impressionnant. Bravo. Bravo. Bon. Petite information, ouais, c'est les trois derniers. Ah! Aïe. C'est là où les chiffres peuvent se multiplier, du coup. Où ça peut exploser. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le troisième avant la fin? Rien, on le laisse classique. Normal. C'est les deux derniers où on va peut-être pimenter un peu le truc. Monsieur Roboto. Vous avez deux points à prendre cette fois. Ouais. C'est deux points, hein, si on s'est bien compris. Deux points, vous ok. Et puis un point, vous marquez deux points, là. Allez. Coller le front sur l'écran. Monsieur Roboto, action. Sylvie Chéquina. Ouh là là là, Sylvie qui vient de... Elle sort de nulle part et elle vient de marquer deux points. Donc elle avait un point, ça lui fait trois points. C'est propre. Sylvie, tu peux encore faire quelque chose, hein, tu sais. Tu peux encore faire quelque chose parce que maintenant, c'est trois points. Alors, vous trois marquez points. Trois points. Voilà, trois points pour l'extrait suivant. Donc rafraîchissez. Tranquillement la page, on va vous laisser le temps de rafraîchir parce que là c'est deux extraits qui sont importants, enfin c'est des phases de vie qui sont très importantes pour vous, donc je vais vous laisser le temps de vous concentrer un peu. Ne minimisez pas, voilà. C'est très important. Il y aura un avant et un après. Et un après forcément. Et un après. Peut-être, on verra. Voilà, donc j'espère que vous êtes tous prêts dans les starting blocks, front contre l'écran, debout. Ventilateur éteint, Monsieur Roboto, kick that. White side. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une reprise. Je vois ce que c'est. Et ça, c'est un générique télé, ça. C'est vraiment un générique télé. Ouais. Il faut les mériter, je crois. C'est une télé française. C'est sur Canal. Aïe aïe aïe aïe aïe. Right side. Le journal du Hard. Take a walk on the right side. Take a walk on the right side. C'est quoi la catégorie des meufs? Take a walk on the right side. Moi je la connais pas, je la connais pas. Je découvre en plus. Bon, la version la chanson de Will. En plus, c'est une version. C'était le Burger Quiz. Ah putain, oui, parce que c'est les pipi, ouais. Les pipi qui m'ont fait bloquer. Ouais. Bon, bah. Burger Quiz de Shabbat. Quoi. Alors, c'est con parce que les en fait, c'est trois points qui s'évaporent comme ça, sous vos yeux, vu qu'ils iront pas dans oui, ma poche. Mais... là, vous auriez pas c'est trouvé. Le dernier... Est-ce que c'est le dernier jeu que nous avons là? Il reste un extrait. Ouais, c'est le dernier. Un extrait. Alors là, celui qui gagne, celui-là a tout gagné, on peut dire ça. Il oui, et donc on a un cadeau à lui offrir à la fin, quoi. C'est ce qui était prévu, ce dont on a si parlé tout à l'heure. Si vous super bon et qu'on n'arrive pas à vous départager, on a pensé ça. Ouais. Donc, celui qui gagne remporte le cadeau. Donc on y va, Monsieur Roboto, pour la dernière fois de la saison. Action. Oh, magnifique. Voilà. Donc en fait, il vient de récupérer sa couronne comme ça, là, sur... Ah, c'est magnifique, Voodoo. Alors, Voodoo, droit de réponse. C'est sûr. Alors là, franchement, Voodoo, tu es très impressionnant parce que fallait le trouver, celui-là. Et il est toujours fort sur le test, sur la dernière, la dernière ligne droite, en fait. Dernière et là, encore, droite, ça, c'est vraiment le master, quoi. Oui, Voodoo, c'est toi. Voodoo, c'est toi le champion. Ouais. Bravo. C'est... Tu toi, as gagné. Alors, le cadeau. Alors, le cadeau. Il s'agit en fait cadeau, d'un voyage pour le col de Lialtov. Donc, Voodoo, tu es le premier à remporter. Les neuf sur le podium peuvent venir, en fait. Voilà. L'idée, c'est de. Voilà. Un petit road trip sympa. Venez. Voilà. Départ cet hiver, hein, c'est pas avant. Donc, fin janvier. Et on va essayer de faire un live là-bas. Quoi. Enfin, surtout vous, les gagnants. Bon, voilà, il faudra nous envoyer les. Vos passeports. Bon, envoyez-nous les enregistrements, enfin, essayez de nous les transmettre d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous les laissez à la tribu locale qui... Ah, Delphine, je suis vraiment Bah, ça m'embête. Je suis bien triste. Mais. Alors voilà. Merci de m'avoir connu, quoi. On va. C'est toujours à toi, Delphine. Moi, je suis un peu triste de vous quitter parce que c'est parti pour les vacances. Quoi. C'est la fin de la saison. Grisou, mais attends, oui, on peut dire au revoir aux copains et tout. Vous laissez quelques. Absolument. Un peu de musique. Mais Grisou se désabonne et c'est pareil. J'en parlerai sur mon prochain live. Qui d'autre? Je m'abonne sur du rire. Mais ça, c'est normal. Moi aussi, je vais m'abonner là-bas, oui. Nancy. Bon, bah, t'es pas. Ce sera le prochain un guest star qu'on va inviter ici. J'imagine. Ah oui, au passage. On a des petites surprises à la rentrée. Voilà, à la rentrée, on a pas mal de petites surprises et on est en contact aussi avec d'autres. D'autres acteurs de ce truc du YouTube Game, etc. Plus des gens qui ne viennent pas forcément de YouTube et qui vont à terme vers lesquels on va aller pour participer à la radio. Comme on l'avait dit avec Daniel, là, les trois premières émissions que vous avez entendues, c'était la version bêta. Donc on arrive en fait à la rentrée, Colo, je pense qu'on va pouvoir en parler. Yo, yo, yo, yo. Revoudou. J'ai récupéré ta couronne. Merci à tous. Les Champs-Élysées. Merci ouais. À toutes. Je voudrais remercier maman. Et puis, Puis l'arbitre. Non. Oh, l'arbitre. Ouais, aussi. pour le et chèque. Oui, voilà. Et la semaine dernière, j'ai fait exprès de laisser un petit creux pour donner un peu d'espoir aux autres. Bon, après, j'aimerais ajouter, je voudrais dire à Grégor. Ça m'amuse pas d'humilier les gens, hein. Mais c'est la compétition, quoi. C'est comme ça, c'est le jeu. Voilà. C'est le jeu. Hein. C'est un champion, Vaudou. Hein. Voilà, hein. C'est un champion. Un gilet bien, jaune. Hein. Voilà. C'est pas grave, Delphine. Delphine a le ventre meurtre. Mais tu, je sais pas, prends un cachet. Non. C'est tout. Je sais, bois de l'eau, Delphine. Delphine est dégoûté. C'est pas grave, Delphine. Tu vas avoir encore beaucoup d'autres occasions. Entre toi pour l'année prochaine, Delphine. Bien sûr. Bien sûr. Eh oui. Formidable, Delphine. Grisou, il a été moyen, par contre. Hein. Oh, très moyen. Ensemble. Décevant. Un peu... Moi, je pense qu'il y a eu malversation un peu sur les points de Grisou, mais bon, je ouais, on lui en a trop donné. On lui en a trop donné. Non, je pense qu'il en avoir. À mon avis, il en aurait. Moi, je pense qu'il en a. Deux et demi, je ne sais pas. J'aurais donné deux et demi. Ouais, c'est possible. Ouais, Delphine, mais bon. Je suis le lanceur d'alerte de Radio One Shot. Un jour, la vérité sortira de ses murs. Mais Delphine, pas du tout. En fait, je ne connais rien à ce que prépare Monsieur Roboto. Vaudou, je le connais très peu. Et c'est juste, en fait, mon classement. Bon, à la fin, j'avoue qu'il y avait... Voilà. Donc, Vaudou a gagné. 9 points, quand même. Formidable. Hein. Non, tu sais... Mais derrière, vous n'êtes pas loin. Hein. Non, normalement, j'en ai 12. Greg, il doit être à 10. Non. Et Delphine... Non, vous avez tout. On sait tous... Arrête, je dois parler. Je te retire ta couronne. Mais non, mais c'est non, pas non, vrai. Je vais... Bah, tant pis, je vais parler au nom de Grégor et de Delphine. Je te retire la couronne et je la donne à Delphine. On s'est tous fait niquer 2-3 points. Grégor, c'est Kadhafi. Et Delphine aussi. Donc, je parle au nom de... J'espère pour Delphine qu'elle s'est fait niquer 2-3 fois, mais sinon... Ouais, je suis désolé, Grégor, j'ai parlé de toi, t'as vu, j'ai défendu ton cas, tu verras. Ouais. Mais c'est vrai que Grégor s'est fait niquer des points. Et Delphine aussi. Mais Grégor, et moi aussi. Aussi, et moi aussi. Qui s'est fait et niquer moi aussi. Mais non. C'est vrai qu'à un certain moment, les points, ça fondait comme neige au soleil. Quoi, ces trucs. Surtout la semaine dernière. La semaine dernière, ça a vraiment été n'importe quoi. La semaine dernière, c'était... Il y a Delphine qui dit 13 points, merde. Non, non, je suis devant mais toi. Mais non, Delphine, tu ne peux pas avoir 13 points. Des deuxièmes. D'ailleurs, si vous écoutez le... J'avais 9 points, non. Tu as toutes les preuves. Oui, Daniel. Voilà, je disais, si vous écoutez le dernier blind test, vous verrez que l'arbitre ne connaît pas les réponses. Puisqu'au lieu de Scarface, il nous avait dit flash dance. Ouais, ouais. Ouais. Donc, vous avez vu, je retiens aussi le clair de lune de Grégor sur le premier blind test. Ça méritait limite une expulsion du jeu. En fait, vous avez tous bloqué sur la roue de la fortune. Ouais, je connais pas tout ça. Oh là là, c'était le juste prix. Je comprends. Je suis déçu, vous avez pas mis aujourd'hui madame, je suis déçu. Ah ouais, mais ça c'est la classe. Vous savez pas compter les gars. Mais ça je m'en occupe pas, je sais pas. Alors Colo, est-ce que tu peux nous... qu'est-ce que t'en as retenu en fait de ces trois émissions, comment on appelle ça? Je suis revenu. Des émissions test, parfait, Jean-Michel, t'as raison pour la conclusion. Enfin pour le bilan. Qu'est-ce que vous sortirez comme bilan, vous, là, globalement, un peu? Parlez-nous un peu de ça. C'est que pour l'instant, on arrive à faire ce truc sans avoir trop d'expérience. C'est un peu timide, c'est tout ça. On apprend, en fait. Moi, je suis très content de faire ça avec vous et que les gens ils viennent avec nous aussi et qu'on se marre, quoi. Vraiment. Bravo. Bravo à tous. Et d'ailleurs, il y a... il y a deux personnes qui sont parmi nous, je pense. Il y a Siane et Sio. Donc, si vous êtes là, vous pouvez parler. Sio, j'ai l'impression que je ne comprends plus rien, le dernier message qu'on a mis. Ouais. En fait, je vois qu'il y a quelqu'un, mais il faudrait débloquer le micro, en fait. Le micro encore coupé, il faut appuyer dessus pour s'exprimer. Est-ce qu'il y a les noms, là ? Vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Coucou, Siane. Vous m'entendez ? Ah, j'avais oublié de décocher le... Bah écoutez... Qui c'est, Félo? Ah non, d'accord. Il n'y a pas de nom. Alors, qui y a avec nous, là? L'émission, elle est finie, là, c'est ça? Il y a moi, c'est terminé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend. Impeccable. Ah, super. Impeccable. Pandora. Alors, bravo, Siane, pour ton petit doc... Excellent, bon travail, merci à toi. Ah, c'est bien, très bien. Ah, je m'entends avec plusieurs secondes de décalage. Quand tu es en retard. Oui. Coupe la radio. D'accord. Peut-être que la radio est encore allumée. Ah oui, peut-être. J'étais à la radio alors. Non, oui, tu fermes la fenêtre, la porte à clé, et tire à la chasse. Ça va mieux, là ? Après, ça va. Voilà, ouais. C'est mieux. Super. On est toujours à l'antenne, là. Ouais. On va bientôt clôturer. Je crois qu'il y a Sue qui est là aussi. Ouais, je suis là. J'espère que tout le monde a passé un bon moment. Tout le monde a apprécié. On s'est tous mis en quatre pour vous. Et je vous promets qu'on a tous bossé très, très, très dur pour vous, plaisir. Ça s'entend. Et on l'a fait avec plaisir. Ah ouais, c'était quand même 10 fois mieux. Enfin, c'est vraiment très appréciable de voir que ça progresse. Merci à Sou, Siane, hein, franchement. Voilà, vous avez apporté le pire à l'édifice. Et moi, je voulais remercier particulièrement aussi Daniel, qui a fait un super boulot, vraiment un super boulot à la technique. Et franchement, on n'aurait pas pu avoir cette qualité-là s'il n'avait pas bossé. Notamment, enfin, tous les aléas techniques et tout. Il y a eu des tas de péripéties. En fait, pour chaque émission, on a eu différents problèmes à gérer. Et à chaque fois, on a pu quand même faire l'émission. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est... Enfin, ouais, c'est une petite fierté, quoi. Voilà. Donc c'est bien. Et moi, j'ai hâte de voir, de préparer les émissions pour la saison prochaine. Et où là, ça va être ça va être totalement différent. Vous allez arriver sur un nouveau site, vous allez arriver sur vraiment quelque chose de beaucoup plus construit. C'est en construction, c'est en projet. Et voilà. Non, mais sous, c'est pas grave. Moi, je t'entends bien. Vous m'entendez bien ou pas? Impeccable. Ouais. Et d'ailleurs, je remercie aussi Cécile qui nous a fait le logo de la radio, quoi. Qui est super. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, bien beau, ouais. Très, très bien. Et elle va nous en faire d'autres. Donc, elle va nous en faire d'autres. Donc bah voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la radio pour l'instant, et on se retrouve très très prochainement. Et merci à tous ceux qui ont fait des capsules aussi, sur les autres émissions, Fabien, tout le monde, j'ai pas les noms en tête, mais merci à vous. Ouais, tout à fait, ceux qui ont participé. Et on se retrouve donc pour une prochaine saison, et on finit avec un petit teaser. On va essayer. On va essayer, ouais. Et ouais. Merci à toi aussi, colonel. Enfin, Louisette Labré. Merci à vous tous. Oh non, pas lui. Ah. Bah si, mais merci à vous tous. Il y a tous ceux qui sont dans le chat et tout, quoi, évidemment. Ouais. On s'aime bien, ouais. En fait. Voilà. On essaye. Voilà. Merci, Daniel. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Merci à tous. À plus tard. C'est ainsi que se finit la première saison de Radio One Shot, celle qu'on appelle aussi le prologue. Au début, il y en avait 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Nous, on sera là, sur un nouveau site, avec de nouvelles épreuves, et on remettra en jeu le totem. Radio One Shot te souhaite un bon été et te dit à bientôt pour une nouvelle expérience encore plus passionnante que ce petit prologue.